Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du blog Outsider. Moi aujourd'hui, j'ai deux invités que je vais laisser se présenter. Jérémy, si tu veux bien. Donc Jérémy, plus connu sous le pseudo Jemris, un peu sur le web. En ce qui me concerne, je fais notamment partie des écuries d'Ogias, donc en tant qu'éditeur, depuis plusieurs années maintenant. Alors, comment les gens qui vont écouter ce podcast, hein, sont pas forcément des gens qui font du jeu de rôle. C'est un podcast transmédia Ouais. sur la créativité. Donc, ça pourrait être cool si tu nous expliquais ce qu'éditent les écuries d'OGS. Hein. Ouais, sans problème. Alors du coup, éditeur de jeux de rôle, effectivement, principalement des jeux historiques ou horrifiques. Donc là, c'est la grosse tendance de la ligne éditoriale. Moi, je dirige une petite collection qui s'appelle In Vitro, qui, en fin de compte, réunit des petits jeux qui sortent un peu de la ligne éditoriale, mais qui sont expérimentaux, c'est-à-dire que soit dans l'idée ou dans le concept, dans le gameplay, il change un peu justement des classiques du genre. Et ce sont des jeux assez courts justement que l'on peut tester rapidement, quoi. Donc c'est une identité forte avec un concept fort et pour faire du jeu de rôle autrement, quoi, quelque part. Donc les écuries d'Ogias, c'est connu pour notamment toute la gamme du jeu de rôle crime. Et en in vitro, est-ce que tu peux nous citer un de tes jeux de rôle préférés? Un de mes préférés, romance érotique. C'est pour le coup, on va dire, c'est un jeu de rôle pour couple où on remplace la feuille de personnage papier par le corps de son partenaire, enfin, ou par son corps, et puis chacun, on va dire, a des petits rubans, des petites choses comme ça qui signifient ses caractéristiques. Et donc ça, c'est mon petit chouchou. D'accord. Après, on a par exemple Monségur 1244 qui lui est un jeu narratif ou narrativiste et qui reprend l'histoire de la chute de Monségur. Donc on joue quelque part toujours les mêmes événements, mais ça change, chaque partie change, puisque on va dire on n'interprète pas forcément les personnages de la même façon. Donc on sait comment ça finit, on sait comment ça commence. Ce qui est intéressant, c'est d'explorer ce qu'il y a entre les deux. Ok, intéressant. Et donc avec nous, nous avons également Bastien. Bastien, si tu Bonjour. veux te présenter. Donc, je suis Bastien Motto. Sur le net, je traîne sous le nom de Akritarch. Et donc, dernièrement, j'ai publié la traduction du guide du Dungeon World. Et je suis en préparation de suppléments pour Dungeon World et aussi d'un gros supplément pour Tranchons et Dracons 2, le jeu de Kobayashi, qui s'appellera les Terres Barbares. Donc à nouveau, hein, il faut qu'on précise aux auditeurs que tu parles de jeux de rôle, hein, parce que je rappelle que nos auditeurs sont pas tous Oui, c'est vrai, tout à fait. rôlistes. C'est C'est vrai un que. podcast transmédia. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que j'ai aussi créé d'autres jeux, des jeux de plateau, mais ceux-là, j'ai jamais rien publié dans ce domaine-là. D'accord. Eh bien, à mon tour de me présenter rapidement. Hein. Donc moi, je suis Thomas Munier. J'anime un blog qui s'appelle Outsider, bah, qui traite de la créativité, enfin, principalement l'épanouissement par la créativité, les folklores personnels, et puis tout ce qui est créativité et culture vue depuis la marge. Voilà, d'où le terme outsider. Donc sur le blog, vous allez trouver pas mal, bah, quasiment tous les articles parlent de ça, de la créativité, puis un petit peu aussi des choses que je publie, puisque je suis romancier et également auteur de jeux de rôle. Et donc l'idée de ce podcast créativité là, dont c'est le premier opus, c'est donc justement d'élaborer un peu plus les réflexions sur la créativité autrement que par des articles, bah, échanger un petit peu avec d'autres personnes sur ce thème-là. Et puis, bon, généralement, dans un article, on va traiter un thème un petit peu à la surface. Là, l'idée, c'est de pouvoir aborder les choses, bah, nettement plus en détail, hein. Et puis avec des points de vue différents. Je rappelle aussi pour les auditeurs qu'il y a deux autres types de podcasts Outsider. Il y a les podcasts Magneto. Ce sont en fait des enregistrements de parties de jeux de rôle. Bon, pour le moment, ce sera surtout les jeux de rôle dont je suis l'auteur, mais je pense qu'à l'avenir, ça sera sûrement ouvert aux jeux de rôle d'autres auteurs. Et à mon avis, il n'y a pas de problème pour que ça arrive. Et le deuxième type de podcast, c'est les podcasts game design. Donc, c'est des podcasts qui traitent de la façon dont on écrit des jeux de rôle et puis des scénarios pour le jeu de rôle. Donc, pour finir, je rappelle un petit peu comment fonctionne ce podcast créativité. En fait, il est découpé en trois parties. La première partie, ce sont des exemples. En fait, chaque invité va citer soit son exemple personnel, soit l'exemple d'une autre personne, par exemple un auteur, c'est un créatif célèbre, pour traiter le thème. La deuxième partie, ce sont les concepts, c'est-à-dire qu'on va prendre, chaque invité va prendre une petite partie du thème, quoi, un concept sous-jacent, il va le développer un peu en détail. Et puis pour finir, la troisième partie, c'est ce que j'appelle la liste au Père Noël, c'est-à-dire que chacun son tour, on va faire une petite synthèse du sujet, et puis on va un petit peu apporter notre liste de conseils voilà, aux auditeurs. C'est à la fois des conseils, une synthèse, des réflexions ouvertes, enfin, un joyeux bordel, hein, vous allez voir ça. Donc le thème de ce premier podcast Outsider sur la créativité, c'est un thème qui est vraiment important pour moi, un thème sur lequel je pense que j'aurai toujours des choses à dire toute ma vie, qui sera jamais résolu je pense, hein, mais on va quand même s'y atteler parce qu'on est des fous. C'est comment passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on est un créatif, on peut être soumis à certains blocages tout au long des étapes de sa vie créative. Et donc, comment passer à l'étape supérieure? L'étape supérieure, ça va dépendre de chacun. C'est, pour faire simple, comment on passe de la procrastination à l'envie, comment on passe de l'envie aux idées, des idées à la réalisation, de la réalisation à la diffusion et de la diffusion à la vision. Donc, très vaste programme qu'on va essayer au moins d'effleurer ensemble. Tout d'abord, j'aimerais donner la parole à Bastien. Il me semble, Bastien, que tu voulais parler de ton propre parcours, notamment pour le jeu de rôle des Terres Barbares. Oui, donc les Terres Barbares, c'est un setting sandbox dans un univers fantasy classique. C'est quelque chose dont j'ai eu l'idée. Alors, parce que... Bastien, excuse-moi, je t'interromps un tout petit peu. Encore une fois, essaye des termes techniques, essaye de les expliquer un petit peu. On considère qu'on est des naïfs. Hein. Par exemple, setting, sandbox, voilà, pour moi, c'est du chinois, je n'y comprends rien. D'accord, ok. Donc, dans un jeu de rôle, généralement, on définit l'environnement dans lequel chaque joueur va incarner son personnage, donc c'est ça qu'on appelle le setting. Et donc on peut avoir différents types de scénarios, certains étant plus ouverts que d'autres, et donc plus un scénario va être ouvert, plus on va appeler ça un sandbox, c'est-à-dire un bac à sable. Donc en fait on décrit l'environnement dans lequel vont évoluer les personnages, on les décrit de manière tout à fait ouverte comme si les personnages n'existaient pas, et puis on met les personnages dans ce bac à sable, et comme des gamins dans un bac à sable, ils vont commencer à prendre une pelle, un râteau, faire des châteaux et des pâtés dans le bac à sable, et c'est ça qui va donner l'intérêt à la partie, c'est d'avoir donc une partie qui est vraiment poussée, qui est tirée par les envies des joueurs, par ce que leur personnage développe au sein d'un environnement qui est prévu et qui évidemment interagit avec eux, parce que si cet environnement n'interagit pas, ça n'a pas de sens. Et un des moyens aussi de rendre la chose très très dynamique, c'est d'avoir quelque chose qui régulièrement va mettre des coups de pied dans la fourmilière, va casser le château, le bac à sable dans lequel les joueurs évoluent, de manière à ce que ce soit très intéressant et qu'ils soient obligés de tout le temps faire des choses pour continuer à construire leur pâté et construire leur château dans le bac à sable. Voilà, donc c'est ça l'idée des Terres Barbares, donc c'était d'avoir un environnement de bac à sable dans lequel on allait avoir plusieurs possibilités de taper dans la fourmilière. Donc cette idée, elle germe parce que je maîtrisais avec le système de jeu de rôle Tranchons et Tracons, qui est un très très bon système pour faire du jeu de rôle de manière décomplexée, et aussi pour apprendre aux gens à faire du jeu de rôle, surtout que là j'avais une table véritablement de novices avec mon fils aîné, des amis du village où j'habite et ma femme qui avait un petit peu d'expérience de jeu de rôle avant, mais les autres étaient vraiment totalement des novices. Donc on avait ce système-là, et j'avais envie, après deux ou trois scénarios un peu plus dirigistes, où donc j'amenais la sauce et j'amenais, je vais dire, un déroulement plus ou moins prévu, et dans lesquels eux, entre guillemets, n'avaient plus qu'à s'inscrire, ben je voulais justement ouvrir le jeu, et donc c'est pour ça que je me dis, oh ben je vais faire un bac à sable autour de Der Parpar. Donc voilà comment l'idée arrive, et bon, ben, ça c'est la première phase, c'est l'idée qui arrive, et je me dis, ah ben je vais faire un bac à sable, et je voulais faire quelque chose de relativement classique par rapport au grand thème du jeu de rôle, je voulais pas faire quelque chose de vraiment super original, c'était pas l'intérêt. Ensuite, ben, après cette idée, il fallait passer à une réalisation. Je me disais, bon, ben, je vais écrire des choses. Au départ, ça a commencé par le jeu, quoi. Tu jouais sans écrire, quoi. Ben, en fait, j'avais pour les premiers scénarios que j'avais déjà faits et qui étaient prédéterminés, j'avais deux ou trois idées de l'environnement dans lequel évoluaient les personnages. Et c'est vrai que Tranchons et Traquons 2 dit bien de ne pas trop écrire l'environnement dans lequel évoluent les personnages au départ, parce que l'idée est aussi de le construire au fur et à mesure en fonction de ce que les personnages, de ce que les joueurs vont amener et des questions qu'on peut poser à la fin des parties. Par exemple, dans Tranchons et Traquons, il est prévu que les personnages doivent indiquer un lieu sur la carte, et puis alors on peut relever un petit peu qui on a rencontré dans la partie et avec qui on a envie d'agir. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir quelque chose de très construit à la base par rapport à ça. Et donc, à ce moment-là, donc, arrive une première phase de un peu de procrastination, parce que je me disais, oui, ben donc voilà, j'avais l'idée de créer un bac à sable, mais ça me faisait un petit peu peur, quelque part, d'écrire un bac à sable, parce que je l'avais jamais fait de manière très formelle. Je crois que comme toute personne qui fait du jeu de rôle et qui maîtrise du jeu de rôle, je l'avais fait de manière informelle et sans savoir ce que c'était. Mais donc voilà, première phase où en fait, plutôt que de me lancer et de me dire, bah oui, il faut une carte, il me faut des différentes choses, ce que je savais, quelque part, je suis d'abord allé m'abrutir d'informations sur le net. Et quand je dis m'abrutir, c'est-à-dire que j'ai bien passé les deux premières semaines, avant d'écrire quoi que ce soit, à aller sur divers blogs, des forums, etc., pour me renseigner sur ce que c'était qu'un bac à sable et comment ça fonctionnait, avant de me dire, bah, maintenant, je vais me poser. Mais pendant toute cette phase d'information, ce qui était intéressant, c'est que quelque part, l'idée du bac à sable a germé dans mon esprit. Et surtout, la graine a commencé à grandir, j'ai commencé à voir vers quoi j'avais vraiment envie d'aller. Et par exemple, ça m'a permis à ce moment-là, dans cette phase-là, de définir quelles étaient les trois grandes menaces que j'avais envie de voir peser sur les terres barbares et contre lesquelles les personnages allaient pouvoir s'opposer. Même si je ne savais pas encore exactement, j'ai envie de dire ce que les menaces allaient pouvoir venir casser dans le bac à sable. Mais donc ça, c'est venu pendant cette phase où quelque part, je me refusais de faire quoi que ce soit et d'écrire, cette phase de germination. Alors bon, un bac à sable, c'est quoi grosso modo? Comment est-ce que ça s'écrit? C'est avant tout une carte sur laquelle on va poser un certain nombre de lieux intéressants, et puis on va décrire plus ou moins en profondeur ces lieux intéressants en fonction de ce qu'ils contiennent et de l'importance qu'on a envie qu'ils aient dans le bac à sable. Donc, à partir du moment où l'idée germe, et ça je le savais de projets antérieurs, je savais aussi que si on veut pouvoir aller vraiment loin dans son projet et aboutir à son projet, il faut vraiment dès le départ marquer le coup en réalisant quelque chose qui nous motive extrêmement, qui nous donne énormément de plaisir, de manière à ce qu'on puisse avoir assez rapidement quelque chose qui va structurer le travail par la suite. Alors ça va dépendre vraiment de tout un chacun, mais je pense que ce qui est important à ce moment-là, c'est vraiment de faire quelque chose qui ne prend pas trop de temps et surtout qui motive énormément au niveau du travail à réaliser. Alors et pourquoi donc, ça te motivait justement d'écrire, enfin de faire ce premier jet des terres barbares? C'était quoi? C'était pour le fait de pouvoir proposer des bonnes parties de jeux de rôle à ta famille? C'était pas le simple fait de concevoir ce monde? Le fait d'avoir des retours sur les forums, sur ton travail? C'était quoi justement ton motivateur? Alors, moi, j'ai deux grandes motivations dans ma vie. La première, c'est le plaisir. Si je ne prends pas de plaisir à faire ce que je fais, très rapidement, je me décourage et j'abandonne, ou je refile ça à quelqu'un d'autre. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance. Donc, c'est vrai que une fois l'idée germée, je sais que je vais vouloir aller la porter jusqu'au bout pour en obtenir la reconnaissance. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, par rapport à des forums, quand on peut présenter déjà maintenant même des choses intéressantes, on a souvent du retour et du retour positif. Et donc ça, c'est très très bien pour entretenir une motivation telle que par exemple la reconnaissance par les pairs ou la reconnaissance à la table de jeu de rôle par ceux qui jouaient aux Terres Barbares à ce moment-là. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, ça a été faire la carte des Terres Barbares. Tout ce qui est graphisme, etc., c'est vraiment comment dire, ça fait partie du boulot que j'aime bien faire sur un ordinateur. Et Donc, si je peux me permettre, oui. en plus tu parles de reconnaissance, j'imagine que tu commences, enfin, si tu commences les Terres Barbares, si, le premier boulot que tu fais c'est faire la carte, c'est quelque chose que tu vas pouvoir montrer à tes joueurs, ils vont te dire ah oui, bah du coup moi je veux aller là, enfin, la gratification hein, elle est forte dès le départ, quoi. Tout à fait. Parce que si tu écris par exemple des pages et des pages d'historique, tes joueurs ils vont pas forcément le voir quoi tout de suite quoi. Donc Tout la à fait. gratification elle sera beaucoup plus lente. Exactement. Et donc c'est ce que en termes de comment dire de gestion de projet, c'est ce qu'on appelle une réussite rapide, un quick win. Donc l'idée était vraiment d'avoir très rapidement quelque chose de vraiment beau à montrer grâce à la carte et d'avoir quelque chose en même temps qui soit très très inspirant pour que même les choses qui ne soient pas du tout définies sur la carte soient intéressantes. Donc voilà, donc là je pense j'ai passé quelques jours à sortir une première carte qui va être affinée au fur et à mesure du travail par après, mais là, ce qui était intéressant c'était de poser une carte, quelque chose qui soit visuellement accrocheur et qui m'a valu un certain nombre d'éloges de la part de mes joueurs, de la part des gens sur les forums, etc. Et ça a d'ailleurs permis aussi à certaines personnes de s'intéresser à ce que c'était les Terres Barbares et, voyant la carte, de s'intéresser au compte-rendu que j'avais fait. Et donc, comment dire, le fil sur lequel je faisais les compte-rendus par rapport aux parties du jeu de rôle des Terres Barbares a commencé à être beaucoup plus suivi à partir du moment où il y avait la carte. Donc voilà, donc ça c'était vraiment l'étape décisive. Et quelque part, quand on commence à montrer son projet de manière publique, on met le doigt dans l'engrenage et on sait bien que soit on y laisse le bras, soit on se laisse aller dans les engrenages et on va jusqu'au bout de la chose. Donc voilà, donc ça c'était l'intérêt à ce niveau-là. Ce qui était tout aussi intéressant par rapport à la carte, c'est qu'elle a permis une première structuration des idées. Et je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est important quand on veut aller au bout d'un projet créatif. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire, c'est quoi les étapes de réalisation de mon projet? Et donc, moi, ici, l'intérêt d'une carte, c'était de me dire, ben voilà, j'ai divisé mon projet en un certain nombre de zones que je vais être amené à décrire. Et donc, chaque zone en elle-même représentait un petit objectif intérieur par rapport à cette carte-là. Alors, à ce moment-là, ben, moi, je choisis évidemment de commencer par décrire les zones les plus intéressantes, qui sont celles dans lesquelles je vais envoyer mes personnages, mes joueurs. Dès le départ, parce que donc Excuse-moi, dans je t'interromps, Bastien, hein, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y avait des zones sur la carte où tu étais contenté de mettre un nom ou un dessin sans avoir tellement d'idées de ce qu'il y avait derrière? Oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, quand j'ai commencé la carte, il y avait, je pense, quatre zones dans lesquelles je savais un peu ce que j'avais envie de mettre. Donc, c'était la première zone de la plaine de la Sinuante, là où je savais que je voulais aller mettre mes joueurs, les mettre dans leur base arrière, si tu veux, leur QG. Il y avait la passe des Herbes Bleues qui faisait la liaison avec l'endroit d'où ils venaient avant et qui allait être le centre, comment dire, où allaient passer les caravanes commerciales, etc., qui allait donc être un endroit stratégique à défendre. Et sur lequel on allait pouvoir mettre un certain nombre d'enjeux par rapport au développement comment dire, du QG des terres barbares des joueurs. Et puis alors, je savais qu'il y avait deux régions adjacentes dans lesquelles il y avait des opportunités. Je ne vais pas appeler ça des menaces. Il y avait des opportunités à travers des clans barbares. Et c'est pour ça que ça, d'ailleurs, ça s'appelle les terres barbares. Donc, je savais que j'allais avoir des régions et que dans chacune des régions, j'allais avoir un clan, un ou plusieurs clans barbares. Donc, ça, c'était une des idées de base. Et donc, ici, donc, il y avait coincé entre la plaine de la Sinuante et la passe des Herbes Bleues, les Hauts des Centaures, où donc on allait avoir donc ces hommes chevaux, très sauvages et en même temps qui avaient leur civilisation propre. Et puis alors au nord, j'allais mettre la menace entre guillemets des peaux vertes, la menace avec donc les sangrelins, puisque c'est comme ça qu'on appelle, l'équivalent des orques ou des gobelins dans Tranchons et Dragons. Voilà, c'était tout. Mais j'avais défini, je pense sur la première carte, il y avait une vingtaine de zones. Donc le reste, ça allait véritablement de dire, l'idée c'était, le reste on va le développer avec les joueurs quand on va jouer. Donc à partir de là, comme je sais comment se divise ma carte, je lance un deuxième outil que moi j'aime beaucoup pour m'aider à structurer ma créativité quand je dois écrire quoi que ce soit d'ailleurs, qui est une carte mentale. Donc une carte mentale, c'est une carte sur laquelle on va mettre les idées, on va les regrouper ensemble et on peut les développer au fur et à mesure à travers un système d'arborescence. Ouais, si je peux me permettre, Bastien, on peut signaler aux auditeurs que sur le blog Outsider, donc il y a un interview de toi où tu racontes un petit peu cette aventure des terres barbares et on voit justement une de tes cartes mentales dessus. Voilà, oui, tout à fait. Avec d'ailleurs aussi certains détails pour montrer jusqu'à quel point de finesse on peut arriver quand on se lance dans la carte mentale. Alors pour moi, la carte mentale, c'est un puissant outil de créativité pour deux raisons. La première, c'est qu'elle permet facilement de structurer les choses, mais aussi, quand c'est nécessaire, de changer la structure en cours de route si on se rend compte que c'est nécessaire. Et la deuxième chose, c'est que chacune des branches de la carte mentale n'est pas obligé d'être développé de la même manière à chaque étape. Donc on peut à certains moments se dire on va se concentrer sur une branche ou sur certaines parties de branche et les détailler très fort tout en laissant d'autres choses totalement dans le flou. Et donc c'est ça que moi j'aime bien dans les cartes mentales, c'est que elles te permettent de structurer et en fait tes idées tout en fait la structure, si tu veux, ne devient plus une contrainte, elle devient un support qui disparaît quelque part de ton inconscient. Donc à un moment, tu me dois dire « Ah oui, ça, où est-ce que ça va ?» On s'en tape quand on fait une carte mentale, parce qu'il suffit de taper les idées et de les mettre, et puis de se dire « Ah ben ça, où est-ce que je vais aller les mettre ?» Puis « Ah ben tiens, là, c'est intéressant. » Et hop, on les déplace, on les met dans la branche où elles vont bien, et il n'y a plus de problème de structure. En plus de ça, les cartes mentales permettent de faire des liens entre les idées que l'on a et qui n'appartiennent pas nécessairement dans des branches. Donc moi, ça m'a permis, à travers les terres barbares, de créer des liens entre toutes les régions des terres barbares, des liens directs ou des liens indirects, des liens par rebond. Ce qui fait qu'en fait, quand il suffit de mettre les joueurs dans un des endroits des terres barbares, n'importe lequel, et dès qu'ils vont rencontrer quelque chose qui a été écrit pour les terres barbares, ils vont avoir des fils qui vont se présenter à eux, et s'ils tirent sur les fils, automatiquement ils vont être amenés à aller à la plotte. C'est un énorme nœud gordien dans lequel il suffit de commencer par un fil et à un moment donné on va être confronté un peu à tous les fils de la pelote. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser cette structure de carte mentale, parce que justement, tous ces liens, cette complexité sous-jacente, j'avais aucune contrainte à la gérer, puisque tout était sur la carte mentale, puisque l'informatique faisait tout à ma place, et donc je pouvais me concentrer véritablement sur la créativité. Et ça permet de ne pas procrastiner. Pourquoi ? Parce que sur d'autres projets que j'avais eu antérieurement, ces problèmes de structure m'avaient parfois amené à travailler, parce que chercher une structure idéale, alors qu'en fait, la structure, dans mon processus créatif, elle évolue au fur et à mesure de ce que je crée. Ouais, donc c'est seulement une fois que tu as fini ta carte mentale, finalement, le plan pour ce qui va devenir le livre est déjà visible et tout, il n'y a plus alors le plan découle un petit peu de... De lui-même, quoi, je suppose. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, par exemple, je n'ai pas déterminé si je mets mes personnages secondaires, ceux que vont rencontrer mes joueurs, dans un fichier à part, ou si je les mets à l'endroit où ils sont, je veux dire, où ils ont leurs habitudes, là où ils vivent d'habitude, puisque de toute manière, grâce à des liens, je pouvais facilement construire mon index de personnages au fur et à mesure. Donc, pareil pour des objets magiques, pareil pour les monstres que j'ai créés au fur et à mesure. Donc, tout ça, je n'avais pas besoin de m'ennuyer de savoir où ils étaient, puisqu'il suffisait simplement que chaque fois que j'en avais besoin, je créais le lien vers la fiche du monstre, ou vers la fiche du personnage, vers la fiche de lieu, etc., ou vers les noms que j'utilisais, etc., pour relier mes personnages entre eux, ou mes personnages avec une tribu, ou mes personnages avec un lien géographique, etc. Donc tout ça se faisait vraiment tout à fait naturellement et passait vraiment en second degré, donc je pouvais me concentrer sur ce qui est le plus gai quand on est dans un processus de création comme ça d'un univers, qui est de dire, trouver des choses intéressantes à faire, trouver des choses intéressantes à dire, mettre une atmosphère à chacune des rencontres qu'on va pouvoir faire, essayer d'apporter une touche d'originalité, ou en même temps, comme puisque moi c'était mon cahier des charges, apporter cette touche d'originalité, mais toujours en secondaire, puisque l'idée était de faire découvrir un petit peu les grands, comment dire, les grandes images d'Épinal de la fantasy à mon fils aîné, ma femme et ses amis du village, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les terres barbares? Par rapport à ça, Oui, je suis intéressant, mais je me rends bien compte que, il va Jérémy? falloir que j'aille vite. Donc, la carte mentale, je la remplis en deux passes. Je vais essayer d'aller très vite tout ça. Donc, la première passe, c'est toutes les idées que j'ai déjà, qui viennent de la phase de germination. Mais très rapidement, je vais aller les mettre sous forme de mots-clés ou de phrases-clés, là où elles doivent aller, ce qui me permet de nourrir la carte dans une première phase. Dans une première phase. Parfois, si je me sens inspiré, si j'ai envie, ben, j'écris tout de suite, même parfois les détails qui sont intéressants. Et puis alors, il y a la deuxième phase, qui est là vraiment le travail, je vais dire, exténuant, de remplir tous les autres trous et de se forcer, si on veut arriver à une publication de la chose, se forcer à remplir tous les trous. C'est-à-dire que si, par exemple, pour une région, à un moment donné, tu décides, ah ben je veux que dans mes régions, il y ait des tables de rencontres aléatoires des monstres qu'on va rencontrer dans la région, c'est-à-dire que quand les joueurs se promènent dans la région et voyagent dans la région, ben, on lance un dé, on essaie de déterminer s'il faut une rencontre ou pas. Donc à partir du moment où on détermine qu'on a besoin de ce genre de table, ben, il en faut une pour toutes les régions qu'on a créées. Et donc, il y a certaines régions pour lesquelles elles se font toutes seules, parce que ben, en décrivant la région, c'est évident de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces tables, aussi de manière à ce que ces rencontres aléatoires puissent nourrir l'histoire principale. Et puis alors, il y en a d'autres pour lesquelles c'est la croix et la bannière, et on sue sang et eau pour arriver à les remplir et arriver à quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est le deuxième tour qui est vraiment, parce que c'est le tour où il faut le plus s'astreindre à un rythme de travail, à un rythme de création, c'est le tour dans lequel on peut rencontrer certains effets de procrastination vraiment terribles, de dire ah bah tiens, je mettrais bien ce monstre-là, et prendre 2 heures à se renseigner sur ce monstre-là en se disant bah, comme ça je vois s'il a sa place ou pas, alors que souvent l'intuition, la première, elle est la bonne. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc quand on a fini cette deuxième passe de remplissage, on a une carte mentale qui est totalement rempli et que l'on peut à ce moment-là exporter pour en faire un fichier web, quelque chose qui va être qu'on va pouvoir montrer, qu'on va pouvoir diffuser pour correction, pour avis, etc., avant de passer à la phase de mise en page et d'édition propre, quoi. Je te remercie Fabien, ce que moi ce que je retiens en fait dans ce que tu nous as expliqué, c'est finalement ça qu'on part d'un truc qui est la carte mentale qui peut paraître aride, être un truc de je sais pas quoi, de thésard ou de mathématicien, et puis finalement on se rend compte que c'est un instrument qui nous permet de se concentrer sur le plaisir bah, d'inventer des nouvelles choses, de les lier entre elles et tout, de développer son petit monde tranquillement sans. Moi, tu vois, par exemple, je n'ai pas procédé comme ça, je procédais de façon plus laborieuse quand j'ai fait l'Atlas de Milvaux, où j'avais toute ma liste de pays, puis je faisais tous les pays un par un et tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai pu mettre un peu de temps pour y arriver parce qu'il y avait des fois, bah voilà quoi, il fallait un peu vomir du cygne quoi, et c'était pas toujours. Voilà. Pas toujours fun, bon, même si j'ai adoré écrire l'Atlas, mais le fait de le faire dans l'ordre chronologique, ça comportait aussi une certaine dose de... C'était un peu fastidieux par moments. Tout à fait. Et moi, c'est parce que j'avais vécu déjà cette expérience-là avec Space Frontiers, mon jeu de science-fiction, dont on peut voir l'extrême point de l'iceberg sur le net. Et je savais que c'était extrêmement fastidieux de faire étape par étape. Dans le cadre de Space Frontier, c'était système solaire par système solaire. Et donc, je voulais justement m'affranchir de ça, parce que c'est vraiment lourd, en fait, à un moment donné, parce que la créativité, la créativité, c'est pas quelque chose qui se commande véritablement. On a des fulgurances comme ça, et des envies, et plus l'envie est forte, plus la fulgurance est forte, plus ce qu'on va amener est intéressant. Et donc, devoir se contraindre tout le temps, oui, ça peut être un facteur de créativité, mais la vraie créativité débridée, c'est généralement celle qui va amener, je pense, la meilleure plus-value au travail qu'on fait. Bien, bah du coup, on va peut-être écouter Jérémy raconter un petit peu son histoire à son tour. Oui, alors c'est intéressant ce que dit Bastien sur tout le côté bac à sable, etc. et carte mentale. La carte mentale a un autre niveau, même au niveau éditorial. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est une autre façon, on va dire, on peut envisager la carte mentale comme une façon de concevoir un livre numérique, par exemple, avec beaucoup plus d'interactions. Et ça, c'est ma petite pointe d'éditeur qui tique un peu là-dessus, c'est assez sympa. Après, je sais que moi, personnellement, autant je peux faire du bac à sable, autant c'est pas ce qui me motive. J'aime bien raconter une histoire en particulier, et du coup, j'ai tendance à concevoir les choses de manière plus structurée, en me mettant moi-même des contraintes pour encadrer, en fait. C'est un peu comme ça que je me motive à créer. C'est ce qui est arrivé notamment avec mon jeu Forain. À la base, c'est un jeu que j'ai pondu pour le concours de création de jeux de rôle Les Démurges en Herbe, donc pour la 4e édition. Et l'idée du jeu me traînait dans la tête depuis un certain temps. Et c'est en fait le fait de me dire, allez, je participe au concours, je rappelle, on a 15 jours pour écrire un jeu de rôle complet, donc avec la présentation de l'univers, un système de jeu viable et des scénarios. Et c'est ça finalement qui m'a permis d'arriver, enfin au moins d'avoir un résultat concret à la fin, quoi. Donc c'était un petit résultat qui, pour le coup, se présentait un peu comme un bac à sable, parce qu'on avait effectivement... Alors j'explique le contexte du jeu, on joue des forains pendant la Grande Dépression aux États-Unis, donc des forains itinérants, et il y avait ce côté un peu bac à sable où je décrivais justement tout leur environnement, c'est-à-dire les différents protagonistes de la caravane, ce qu'on pouvait faire, quel était le but, et après il y avait une espèce de liberté quasi totale qui était en plus accentuée par le système de jeu, qui en faisait un jeu, on va dire, un jeu bac à sable, vraiment, quoi. Et une fois que le jeu pour la version de concours a été terminé, j'ai ensuite commencé à travailler vraiment dessus, pour ne plus là en faire une version simplement de concours abrégée, mais je me suis astreint à travailler pour en faire quelque chose de plus abouti, de parce que, rappelez-nous des murges en herbe, combien de temps tu as pour créer le jeu? 3 semaines, je crois? 15 jours, en fait. Ah ouais, c'est très très court, quoi. 2 semaines, donc je veux dire, là, pour le coup, si tu veux vraiment arriver à fournir quelque chose à la fin, il faut que tu t'astreignes déjà tous les jours à travailler, parce que ça va très très vite. Donc arriver à avoir son concept, à commencer à l'écrire, à le présenter, à le tester... On va dire à l'éprouver, quoi. C'est faire tout ça en 15 jours, plus Ben, effectivement, écrire tout ça de façon à ce que ce soit présentable et lisible pour tout le monde, c'est un vrai exercice, quoi. Mais si je peux me permettre, enfin, tu me dis, hein, si je digresse trop sur des mioches en herbe, mais c'est aussi très motivant. Enfin, moi, je vois, il y a des gens qui participent à Game Chef, c'est un autre concours, hein, de jeux de rôle, cette fois-ci créé en 10 jours, que ce soit Game Chef ou des mioches en herbe, jamais ils vont écrire de jeux de rôle à part au moment des concours là. Parce que c'est vrai que cette contrainte temporelle, finalement, ça leur met le coup de boost nécessaire pour sortir un jeu, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Bah, disons que moi, ça a été vraiment le coup de boost déclencheur par rapport à ça. J'avais eu d'autres expériences de, on va dire, de création, mais sur des sur Crime, par exemple, ou ce qui m'a fait intégrer les écuries de Giat, d'ailleurs. Mais sur des scénars, des choses comme ça. Donc l'exploitation d'un univers qui existait déjà. Là, c'était vraiment partir de rien, ou on va dire juste de mes idées, et fournir quelque chose de complet. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la contrainte de temps et la motivation que ça pouvait donner, et l'émulation aussi qu'il y a sur les forums, sur le fait de parler de ces concepts ou de l'aborder, ça aide beaucoup. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Le côté un petit peu justement émulation collective, ça c'est quelque chose qui peut aider. Et la contrainte de temps, vraiment. Jérémy, toi, quand tu as participé au Démiurge, tu as aussi utilisé les forums pour t'aider dans ta création? Donc, Alors, quand tu parles d'émulation, donc c'est vrai que les gens sont là, ils parlent sur les forums, c'est sympa, etc. Mais il y en a aussi qui soumettent leurs idées, même des idées de base, et qui améliorent leur jeu grâce au retour déjà des gens sur les forums. Tu as fait ça? moi, j'ai pas trop, on va dire, émulé sur les idées en elles-mêmes. À la limite, je partageais un petit peu certains trucs dont je savais que c'était arrêté. Mais c'était plus sur le côté, en gros, on est tous dans la même galère. Donc on se soutient. Donc il y avait plus ce côté-là, finalement, même si je montrais pas ma copie aux autres, c'était puis bon parce qu'il y avait aussi le côté un petit peu anonyme, c'est-à-dire que à l'époque c'était encore, on va dire, on ne devait pas, ça, les jurés ne savaient pas qui avait écrit quel jeu. Donc il y avait ce côté-là où effectivement Je sais pas on si était c'est encore valable aujourd'hui, parce que Game Chef, par exemple, c'est pas du tout anonyme, quoi. Ah On sait non, très Game bien Chef, non, non. Et puis bah, les démiurges en herbe non, ne le sont plus. Enfin, aux dernières nouvelles, il ne semble pas. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore comme ça. Donc on envoyait une copie anonyme quasiment. Donc du coup, c'est vrai que on va dire, on donnait pas trop d'infos sur le forum, ou alors éventuellement un petit pitch rapide à la fin du concours, mais c'est pas. On en parlait, enfin, moi, en tout cas, je n'en parlais pas plus que ça. Je veux dire, j'avais pas forcément le côté émulation de la créativité, mais plus garder le cap en me disant, voilà, ça permet de souffler un peu. Et le fait que ce soit une compétition, enfin, entre guillemets, est-ce que c'était pas un motivateur, dans le sens, oui, je vais leur en mettre plein la vue, enfin, moi je sais que quand j'ai fait Game Chef l'année dernière, finalement le fait qu'il y allait, entre guillemets, il y avait un truc à gagner, ça m'a mis du boost, quoi, clairement. Bah, on va dire, c'est toujours motivant. Après, moi, ce qui me motivait surtout, c'était d'arriver à pondre le truc qui me traînait dans la tête depuis un bout de temps, quoi. Je me suis dit, là, c'est l'occasion, on va dire, d'atteindre un de mes objectifs personnels. Donc, en fin de compte, c'était une occasion, à la limite, aussi valable qu'une autre. Mais c'est vrai que c'était pas forcément pour le côté, je vais gagner des jeux ou voilà. Bon, il s'est avéré que Quand j'ai fait deuxième. j'ai participé au Démiurge, c'était la deuxième édition. Une des choses moi, qui m'avait motivé par rapport au Démiurge, c'était que je savais que mon jeu allait être relu par des éditeurs de jeux de rôle et donc j'allais avoir un retour professionnel sur le jeu que j'allais rendre. Ouais, ça c'est bien. C'est ça aussi, c'est motivant parce qu'effectivement, on se dit bon, voilà, même si on va dire, même si j'arrive pas dans les premiers ou autres. Tu as effectivement au moins quelques retours sur le jeu. Et effectivement, le fait d'avoir participé, comment dire, ça permet d'avoir même ne serait-ce que des retours sur le forum après, sur les pitchs ou des choses comme ça. Voilà, si l'idée plaît ou pas, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est super utile et c'est motivant aussi parce que ça permet justement d'affiner le jeu après. Et ça, c'est quelque chose qui m'a permis aussi de l'affiner et de le développer. Alors pour l'instant, il n'est pas encore terminé. J'ai encore pas mal de boulot dessus parce qu'il y a un énorme travail de documentation. Mais c'est effectivement assez motivant de pouvoir avoir des retours parce que quand on est la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément justement tous les éléments qui peut y avoir et qu'on n'aurait pas pris en compte. Et ça, c'est intéressant. Je t'interromps. Est-ce que tu dis qu'il y a un énorme travail de documentation à faire là pour développer Forain? Pourquoi c'est important pour toi? Parce que moi, par exemple, je sais que si je faisais un jeu sur les forains, je me documenterais pas du tout. Alors, parce que c'est un contexte qui est assez imagé et qu'on a, on va dire, qui parle tout de suite. On a tout de suite des images dans la tête quand on parle de forain. Et ce que j'ai envie de montrer, et ce que je dis dans mon jeu, c'est-à-dire que quelque part il y a un propos, c'est que finalement les images qu'on a, elles ne sont pas forcément exactes. Déjà le contexte est important dans mon jeu, il y a un contexte historique assez important et qui a une signification dans le jeu lui-même. C'est-à-dire que le contexte historique n'est pas seulement histoire de situer le jeu quelque part, il n'est pas choisi au hasard. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il soit décrit de façon assez exacte, et c'est pas un contexte qu'on décrit souvent, par exemple. On va dire les années 30 aux États-Unis. Dans la campagne, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus dans le jeu de rôle. Éventuellement, on va avoir les années 20, des choses comme ça, mais les années 30 en elles-mêmes, beaucoup moins. Et donc, moi, je trouvais que c'était important justement de donner ces précisions-là pour éviter des approximations. C'est-à-dire que j'avais un propos, j'avais quelque chose à dire, j'ai toujours quelque chose à dire, et il y a. Je veux pas forcément prendre le risque qu'on se méprenne sur ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai envie de raconter une histoire particulière. Après, chacun, de toute façon, dans le jeu de rôle, va la prendre comme il veut. Mais au moins, moi, j'aurais dit ce que j'avais envie de dire. Et c'est vrai que les forains, c'est quelque chose, surtout en Europe, qui a une consonance qui est pas toujours, en accord avec ce qu'était la réalité de l'époque. Et je trouvais intéressant de clarifier les choses à ce niveau-là. Alors, pour en revenir au sujet, donc tu fais un premier jet pour le jeu des Mioges en Herbe. Ensuite, tu continues à développer le jeu. Ça fait combien de temps maintenant? Et la dernière question, c'est qu'est-ce que tu prévois pour la suite, quoi? Alors le concours, il était en 2009. Les résultats sont arrivés à peu près en 2010, environ de l'automne, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, le jeu faisait une petite quarantaine de pages à 5 sous Word, quoi, mise en page, etc. Aujourd'hui, tel qu'il est prévu, tel qu'il avance, il serait plus dans 288 pages, un peu plus dans ces eaux-là, c'est-à-dire un gros livre en grand format. Donc ça s'est pas mal étoffé. Et j'ai continué à bosser dessus. Alors j'ai eu des périodes aussi qui sont beaucoup plus creuses. La faute à beaucoup de mes activités à côté. Enfin la faute ou grâce, mais c'est. Comment dire? La suite, c'est d'arriver au bout du jeu, c'est d'arriver à l'écrire complètement, à faire en sorte qu'il soit publiable. Ce qui a été intéressant pour moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans l'édition et j'ai réussi à faire de ce projet-là mon projet d'études en fait. Donc j'ai travaillé en fait pendant 2 ans sur le projet. À un niveau éditorial extrêmement complet, mais sur lequel du coup j'ai moins travaillé sur l'aspect créatif et écriture. Donc pendant 2 ans, ça a été je travaillais dessus extrêmement régulièrement. Et mais pas sur l'écriture elle-même. Donc c'est un côté un peu frustrant, mais ça a aussi l'avantage de se préparer justement à l'aspect éditorial et à savoir, on va dire, comment le concevoir mieux, comment le réfléchir mieux, comment le vendre mieux aussi, parce que c'était ça, c'est ça le but à la fin, hein. Tous ces éléments-là. Donc j'ai eu 2 ans où j'ai quasiment pas travaillé sur l'aspect création, si ce n'est pour quelques scénarios à faire jouer en convention, des choses comme ça, et plus sur le côté conception en fait du jeu, conception globale. Et donc là maintenant, une fois que j'ai terminé, il faut que je reprenne un petit peu l'écriture de façon plus intensive et que je reprenne là-dessus quoi, pour pouvoir arriver à le terminer. Donc, tu penses pour la dernière partie édition, tu vas l'éditer comment tu penses faire appel aux écuries d'Ogias ou faire un crowdfunding ou encore autre chose? Alors fait est que moi j'ai créé ma, on va dire, je fais partie des écuries de Gias, mais j'ai créé ma propre boîte d'édition pour faire des projets, on va dire, avec une autre ligne éditoriale ou on va dire une autre façon de faire les choses. Ouais. Il y a peu de temps. Le fait est que Forain, je dirais, j'ai fait absolument tout le travail dessus. Je vais le faire avec ma boîte. C'est-à-dire que j'ai maîtrisé absolument toute la création, toute la conception. De A à Z sur ce projet. Pour moi, la suite logique, c'est de l'éditer, c'est d'aller jusqu'au bout finalement. Ouais. De fait, ce sera un jeu de rôle indépendant du coup. Ce sera un jeu de rôle indépendant parce que effectivement, c'est moi qui l'éditerai et c'est moi qui l'aurai écrit. Après, la façon dont je conçois les choses en termes d'édition, je le fais comme si c'était un projet classique. C'est-à-dire que j'ai d'autres projets qui ne sont pas eux les miens. C'est-à-dire que je vais éditer d'autres personnes. Et voilà, c'est-à-dire que je ne serai pas seulement un indépendant. Je serai éditeur, sauf que je serai, à un moment donné, où je sortirai un truc où j'aurai bossé dessus. Tout à fait, ouais, d'accord. Donc, ce ne sera pas le premier projet que je sortirai. Mais sinon, oui, après, on va dire le crowdfunding, tout ça, c'est des options qui sont effectivement envisagées. Alors, on va peut-être définir le crowdfunding, parce qu'encore une fois, tout le monde ne sait peut-être pas ce que ça veut dire. C'est le financement participatif, hein, donc notamment par des sites comme Ulule, où en fait on présente le projet, et puis les gens mettent de l'argent pour que le projet soit réalisé, quoi. C'est ça. Bah, disons que c'est... C'est finalement une forme de souscription 2.0. C'est le principe, effectivement, du crowdfunding, c'est on fixe un seuil de financement. Si le seuil de financement n'est pas atteint, ceux qui ont participé sont remboursés et le projet ne se fait pas. Donc, c'est rien moins que le principe de la souscription. Après, et ça marche en fait dans tous les médias, cinéma, musique... absolument, et quasiment de tout se fait par financement participatif, quoi, hein, scénographie, exposition. Ah bah, de toute façon, ça devient un modèle, on va dire, économique pratiquement. C'est-à-dire, ouais, tout à fait. Financièrement, ça évite de passer par les banques, ça permet de se passer de certains intermédiaires. On parle directement aux consommateurs. Donc on est plus proche de ses clients, on est du coup plus, enfin normalement il faut être plus à l'écoute aussi. Ça permet justement d'avoir une relation un peu plus directe et pas seulement d'éditeur à lointain client qui a acheté le jeu, mais là vraiment le côté l'aspect direct vraiment entre ceux qui vont jouer, ceux qui vont mettre de l'argent, qui sont motivés par le projet, et celui qui lance le projet, quoi. Donc, Jérémy, oui, on entend souvent dire aussi que faire une campagne de financement participatif, c'est un bon moyen de faire une espèce d'étude de marché. Donc toi qui justement a la connaissance du milieu aussi d'éditeur, comment est-ce que tu raccroches ça au financement participatif, l'étude de marché et le financement participatif? Bah, déjà, ça permet de, de jauger un petit peu de l'intérêt pour le sujet, pour le jeu. Donc, il est là le côté étude de marché, c'est-à-dire que si effectivement on fait un truc et que ça intéresse personne et que personne souscrit, bon bah là on se dira que bah peut-être il y a quelque chose à revoir, soit dans la communication, soit dans le principe du jeu. Il sait que soit nous on a fait quelque chose de pas bien, soit que le public est pas prêt. Voilà, c'est il est là principalement. Je vais poser peut-être ma question autrement alors si tu préfères. Donc dans le financement participatif, tu vas toucher la plupart des gens qui sont à la fois des internautes, je veux dire des créatifs 2.0 ou en tout cas des gens qui sont dans 2.0 dans le milieu où tu veux les toucher. Donc si c'est le jeu de rôle, c'est le jeu de rôle, si c'est la danse, c'est la danse, etc. Mais comment est-ce que alors tu peux extrapoler tes résultats sur la toile à travers tout financement participatif à, je veux dire, le monde dehors, quoi, le monde de la vie réelle et le monde tangible de je vais mettre mon jeu de rôle en magasin, je vais produire mon spectacle de danse et le proposer à des centres culturels. Ben, tu vois, donc comment est-ce que tu relis le coup de son que représente le financement participatif à une diffusion, je vais dire, plus classique de ton œuvre? Alors, quand on fait du financement participatif, généralement, on définit les publics qu'on touche selon trois cercles. Va y avoir le premier cercle, en fait, c'est les connaissances immédiates, c'est-à-dire ceux à qui on va, qui vont permettre de lancer le projet, ou on va dire qu'ils vont nous soutenir parce qu'ils nous connaissent. Pas forcément parce que le projet les intéresse, mais parce que voilà, ils veulent nous donner un petit coup de pouce. Ensuite, en deuxième cercle, tu as finalement, pour chez nous, ça va être les rôlistes, donc c'est les clients qu'on vise. Voilà. Et tu as le troisième cercle, qui sont les personnes qui sont effectivement au départ pas forcément visées par le projet, mais qui, on va dire par effet de communication ou autre, vont soit en entendre parler, soit s'intéresser au projet, alors que finalement au départ c'était peut-être pas ces gens-là dont on aurait dit qu'ils allaient souscrire. Donc il est là un petit peu ce côté-là. C'est déjà si on rencontre une certaine adhésion du public qu'on vise. Bon, ça peut nous donner une certaine vision. Alors c'est assez limité, hein, très clairement. Il n'y a pas de recensement précis du nombre de rôlistes en France, etc. Donc on a toujours on a de temps en temps des chiffres qui sortent, mais qui sont à prendre effectivement avec des pincettes, parce qu'il y a toute une population de rôlistes qui n'est pas forcément très présente sur le web, ou on va dire qu'on ne voit pas, mais qui peut être présente quand même. Et là où on s'aperçoit qu'en fin de compte, on va plus loin que ses objectifs, c'est quand on commence à atteindre le troisième cercle. Bah, si tu permets, Jérémy, par exemple, dans l'exemple de Forain, j'imagine, moi je vois souvent des gens qui se mettent au jeu de rôle parce qu'on leur propose des thématiques nouvelles qui leur parlent. Et une personne peut être pas du tout intéressée par le jeu de rôle en général, ne pas en pratiquer, mais si elle suit par exemple Ulule, parce que Ulule c'est un site de financement participatif où il n'y a qu'est transmédia. Ouais. Elle peut voir ton projet Forain là et se dire ah oui, par contre autant de jeux de rôle en général j'aime pas, je me dis mais ça m'intéresserait d'expérimenter d'incarner un Forain, qu'est-ce que ça pourrait faire, puis du coup souscrire à ton projet alors que effectivement elle est pas dans le deuxième cercle, c'est-à-dire que d'habitude elle ne fait pas de jeux de rôle, quoi. Oui, et du coup c'est quoi ta question? C'est pas vraiment une question, c'est plus un avis quoi sur le fameux troisième cercle, quoi. C'est exactement ça. Après, on va dire, on peut aussi essayer de provoquer le troisième cercle. C'est-à-dire que ça, c'est un travail, on va dire, de communication, et c'est le côté éditeur qui parle aussi. C'est-à-dire, c'est de trouver soit des partenaires, soit des sponsors, des choses comme ça, ou même des lieux où présenter le jeu. Par exemple, sur Forain, ben, je veux dire, tu te renseignes un peu. Bon, moi, j'habite en région parisienne. À Paris, on a le musée des arts forains. Ça ne veut pas dire que le thème qui est développé dans le musée est exactement le même que le livre. Par contre, là, on a une passerelle, clairement. Donc, c'est de faire jouer un petit peu, de chercher justement quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour déployer sa communication, son intérêt et du public, quoi. Et c'est aussi un peu pour ça que j'aime bien, on va dire, que je vais fournir quelque chose d'assez documenté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sera pas, j'ai pas envie que le jeu ne soit compréhensible que par les rôlistes. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est dans l'approche même du éditorial, par rapport à ce qu'on a envie de dire et ce qu'on présente, c'est par qui il peut être compris. Est-ce que ça sera compris que par les rôlistes, parce que j'emploie que des mots que les rôlistes y connaissent, ou est-ce comme que setting ou sandbox ou est-ce que quelqu'un qui effectivement est complètement novice, il peut comprendre et il peut justement se mettre à jouer même si il n'a jamais fait de jeu de rôle. Ou est-ce qu'il peut être intéressé par en lire une partie. Et c'est ça qui compte finalement, c'est d'intéresser les gens, enfin, en ce qui me concerne. Pour le coup, quand je dis que j'ai quelque chose à dire, ben, le but quand on veut dire quelque chose, c'est qu'on soit entendu. Donc tant qu'à faire, autant être entendu par le plus de monde possible. Et c'est un petit peu l'approche que j'ai, moi, avec Forain. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur Forain avant de passer à la suite? Là, tout de suite, pas plus que ça. Il y a moyen de suivre un peu l'évolution sur Facebook, mais sinon, pour l'instant, c'est calme. Mais, d'accord. Mais petit à petit. Si je tape Forain jeu de rôle sur Facebook, je peux te trouver quand même. Oui, tu peux taper Forain sur la piste de la Hourglass Caravan, la caravane du sablier, en anglais. Donc, et là, tu es sûr de trouver. Alors on teste en direct. Hein. Bon, sinon, ce que je retiens de ton exposé, en fait, c'est que ton expérience d'éditeur, quand même, elle innerve pas mal ton expérience de créatif aussi, quoi. Hein. C'est clairement, on voit que tu quasiment du début à la fin, tu penses aussi en éditeur, quoi. C'est ça. Bah, disons qu'effectivement, ça me permet moi d'encadrer mon propre travail, de la même façon que j'encadre celui des autres éventuellement. Et du coup, ça me permet d'être conscient aussi de certains. Bon, c'est aussi la formation que j'ai reçue, ce qui est une formation très très poussée et très détaillée sur le monde de l'édition. Et du coup, effectivement, c'est d'avoir un peu toutes les problématiques en tête, les avoir présentes à l'esprit, même si elles se présentent pas tout de suite. Au moins, ça permet d'anticiper. Et c'est autant de travail, on va dire, de retouches qu'il n'y aura pas à refaire après. Donc c'est et voilà, ça permet d'être plus efficace sur le travail, sur l'approche. Alors, du coup, c'est un peu plus rigide, mais finalement, ça me permet, moi, d'avancer plus rapidement. Par exemple, j'ai déjà un sommaire qui est complètement détaillé, je sais exactement ce qu'il va y avoir, dans quelle partie et pourquoi, comment ça va être présenté, ce qui, moi, me permet, quand je travaille dessus, si j'ai un trou ou si j'ai une panne d'inspiration sur un chapitre, je peux aller bosser dans un autre un peu plus facilement parce que c'est un autre sujet entre guillemets et du coup je peux avancer comme ça on va dire sur plusieurs fronts en même temps et c'est ça qui est intéressant pour moi aussi quoi. Ouais, je te remercie beaucoup Jérémy pour cette petite présentation qui j'espère a donné quelques envies à certains et puis bon on donne un aperçu aussi effectivement de ce qui se passe quand on a une vision déjà assez claire dès le départ et puis qu'elle nous guide enfin un petit peu tout au long de notre travail. Quant à moi, je vais présenter donc un dessin animé. Voilà, donc je vais pas parler de ma vie pour une fois. Je vais vous présenter un dessin animé de Hayao Miyazaki, donc bon, l'auteur très connu hein, des dessins animés Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel. C'est son dernier dessin animé. Il est plutôt grave, hein. C'est plutôt un dessin animé pour adultes en fait. Bon, déjà je le conseille vraiment parce que c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un film qui m'a mis la larme à l'œil, hein, je dois bien l'avouer. Et aussi, je pense que c'est un grand film sur la créativité. Et pour autant, il amène des choses sur la créativité qui me paraissent, il amène un regard un petit peu différent, pas du tout un regard glamour justement sur la créativité. Dans Le Vent se lève, en fait, on suit le parcours d'un jeune japonais en fait qui depuis sa plus tendre enfance rêve de créer des avions, en fait, de créer tout un tas d'objets volants. Le film commence justement comme ça, avec une scène onirique où il pilote une espèce d'avion bricolé, va dans une espèce de monde onirique rempli d'avions de toutes sortes. Et puis en fait, on le voit, on le suit tout au long de sa vie, enfin, disons, tout au long de sa jeunesse plutôt, hein. Donc il rentre dans une école d'aéronautique, il fait des plans, il finit par intégrer. Il finit par intégrer un atelier où d'abord il va dessiner juste une partie de l'avion, du genre l'aile ou le train d'atterrissage, des choses comme ça, quoi. Et puis, à force de travail, parce que clairement c'est ce qu'on retient le plus dans le film, c'est qu'il bosse tout le temps, quoi. Il a très peu de loisirs, hein, et tout le temps en train de faire des plans, quoi. Et il finit par attirer la confiance de ses supérieurs. On lui confie des responsabilités de plus en plus importantes, jusqu'à effectivement carrément être porteur de projet, bon, bah, sur un avion en entier, quoi. Ce qui est fascinant, en fait, dans ce film, Le vent se lève, c'est le sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, dans ses rêves, il voit un de ses mentors, un créateur d'avions italien, qui lui explique en fait qu'on n'a que 10 ans de créativité. C'est-à-dire qu'on ne serait créatif que pendant 10 ans, et donc il faut absolument profiter de ces 10 années pour mener à bout ses rêves. Bon, alors, cette idée de 10 ans de créativité, je pense qu'elle est très discutable. Mais ça contribue vraiment à donner ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut réaliser ses rêves. Ça, c'est le premier aspect qui est important dans le film. L'autre aspect, justement, c'est le fait qu'il ait des rêves, quoi. En fait, il y a tout un tas de scènes oniriques où justement il imagine ses avions, ses futurs avions en train de voler. Il imagine aussi des avions bah, complètement illogique, qui pourrait pas voler en fait si on les construisait, mais voilà, c'est quelque chose qui le porte tout au long du film. Il y a aussi le fait qu'il ait des mentors, hein, il y a ce pilote italien, hein, qu'il admire. D'ailleurs, en fait, dans le film, il le rencontre pas à part dans ses rêves, quoi. Mais voilà, c'est le fait d'avoir des modèles à atteindre ou à surpasser. Et puis aussi dans ce qu'on voit arriver dans le film, en fait, c'est que la passion du héros, entre guillemets, elle met tout le monde d'accord, quoi. Et on voit que petit à petit, il y a un soutien inconditionnel d'abord de ses collègues, de ses supérieurs, qui se met en place. Soutien aussi inconditionnel de ses proches. C'est-à-dire qu'en fait, ses proches vont faire, voilà, je ne vais pas trop en dire, mais bon, grosso modo, ses proches vont jusqu'à faire vraiment des grands sacrifices pour lui accorder le temps qui lui est nécessaire, en fait, pour créer des avions. Donc voilà, il y a ça, le fait. Mais c'est en même temps. On se rend compte que dans le film, il y a quand même un gros problème avec ce héros. Parce que j'ai dit que c'était un jeune japonais, j'ai pas précisé à quelle époque ça se passe. Ça se passe dans les années 30, 30 et 40. Et en fait, à l'époque, les seuls qui recrutent pour créer, fabriquer et créer des nouveaux avions, eh bien, c'est l'armée, quoi. Et en fait, notre héros, il crée des avions de guerre, quoi. Il crée des bombardiers, il crée des chasseurs. Et donc, c'est ça qui est troublant, en fait, dans le film, c'est que sa vision, c'est de créer des avions pour rendre, bon, aussi parce que c'est son rêve, et aussi pour rendre la vie des gens plus belle. Mais en même temps, il se plie entre guillemets aux nécessités, il se plie à des choses qui sont plus fortes que lui pour pouvoir réaliser son rêve. En fait, bah, il fabrique des engins de mort, quoi. Alors plusieurs fois dans le film, on le voit exprimer des regrets, espérer qu'un jour on atteindra une époque où il pourra créer autre chose que des avions de guerre. Mais toujours est-il que voilà, il crée des machines de mort tout au long du film, quoi. Donc c'est très troublant parce que d'un côté c'est un film magnifique sur la créativité, sur le fait que les gens mettent tout ce qu'ils ont en eux pour pouvoir réaliser leurs rêves, et en même temps, des fois, réaliser son rêve sans vision, ça pousse à faire des choses extrêmement graves, quoi, et à se rendre complice de certains systèmes. Et l'autre chose qui est troublante dans ce film, Le vent se lève, c'est justement le fait que le héros sacrifie énormément de choses à sa passion. Déjà au début du film, il rencontre une femme dont il tombe amoureux, mais les circonstances assez chaotiques de l'époque font qu'ils sont séparés. Et en fait, on voit qu'il fait pas tellement d'efforts pour la rechercher parce qu'il est absorbé par sa passion. Et quand il la retrouve, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tellement le soutenir dans sa passion qu'elle va effectivement faire des sacrifices énormes pour lui laisser le temps de réaliser ses rêves, quoi. Donc, ce qui est, voilà, c'est vraiment la bascule, enfin, ce qui m'a troublé dans ce film, c'est à la fois le fait que, bon, la créativité, c'est vrai qu'on peut être. On peut être organisé, on peut être intelligent, on peut être plein de choses qui permettent d'être créatif, mais c'est quelque chose qui vient avant tout. Ça vient avant tout du plus profond de nous-mêmes, ça vient de nos rêves, quoi. Et en fait, c'est la force, pour passer à l'étape supérieure, c'est la force la plus puissante que vous allez pouvoir trouver. Mais ça peut être aussi la plus néfaste quand vous essayez de réaliser vos rêves sans jamais prendre de recul. Quelque part, c'est une maîtresse très, très, très exigeante. Ah oui, extrêmement exigeante, hein. Le film montre une chose, c'est que dans tout ce qui est quand on est créatif, en fait, la chose qui nous permet d'y arriver, c'est le travail. C'est un travail acharné, quoi. Hein. De toute façon, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Hein. On peut prendre, enfin, si vous pouvez prendre tous les créatifs que vous admirez, vous vous rendez compte qu'au final, derrière, il y a énormément de sueur, quoi. Mais en même temps, je pense qu'il convient de prendre du recul, et il convient effectivement de faire la part des choses et de vos objectifs de créativité. Est-ce qu'ils doivent être vos seuls objectifs, quoi? Est-ce que vous n'avez pas aussi des proches? Est-ce que vous n'avez pas une vie? Et puis de même, c'est voilà, est-ce que vous êtes prêt à payer n'importe quel prix pour atteindre vos rêves, quoi? Oui, c'est le problème. Enfin, faut faire attention que la créativité ne te phagocyte pas, en fait, au final. Ouais, complètement. Parce qu'en effet, quand on est vraiment dans une phase créative, une vraie phase créative, celle où les idées affluent et qu'à la limite, il n'y a pas de robinet pour les arrêter, mais et si on voulait tout faire et tout lancer, on est dans une phase qui est orgasmique. Et si on la laisse nous emporter, ça peut aller très très loin. Et comme tu dis, il faut pas oublier non plus, et parfois on a tendance à l'oublier, c'est que créer quelque chose, arriver à un, je voulais dire, produit fini, quel qu'il soit, une peinture, un film, une chorégraphie de danse, un jeu de rôle, quel qu'il soit, c'est plus de 95% de travail, et un travail qui doit être acharné. Et je pense que tant Jérémy que moi, on l'a sous-entendu dans notre discours, qui doit aussi être organisé et même encadré, je dirais. Ah bah oui, Ouais, bah bah. c'est une discipline personnelle qu'il faut arriver à s'imposer, autant celle de la création du travail que celle de savoir s'arrêter aussi, quoi. Ça, c'est pas évident. Ouais, d'ailleurs, il y avait une chose qui, en fait, la créativité, pourquoi c'est souvent justement, ça peut être une drogue. Hein. J'ai écrit un article sur Outsider, ça s'appelle La créativité n'est pas une valeur, qui parle de ça. Et pourquoi c'est si important pour beaucoup d'entre nous? C'est parce que quand on est en train de créer, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est un moment où vous êtes complètement concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes complètement dans le présent, et ça, c'est une source, ça peut être une source de plaisir et de gratification immédiate et vraiment importante, quoi, hein. C'est vrai que ce soit effectivement balancer des idées sur une carte mentale, se courber sur un plan, ou comment faire X fois la même prise d'une scène au cinéma. On parle de travail, mais c'est un travail, quand on fait un travail dans lequel on est passionné, ou tout simplement si on est complètement investi dans ce qu'on fait, voilà, on rentre dans le flow, dans cette espèce de présent dans lequel on est consacré à 100%, et c'est clair que c'est... on sécrète des endorphines, enfin c'est vraiment ça peut être une c'est comment un plaisir vraiment important quoi. Ça peut être une source de bonheur, de même que ça peut être une source effectivement de ça peut être comme une drogue, quelque chose qui nous coupe en fait de la vie quoi. Bah, c'est un peu le problème des fois du créateur dans sa tour d'ivoire, c'est-à-dire que on se retrouve effectivement à se couper de tout pour pouvoir avancer, et il faut faire attention à sortir de temps en temps. Ouais, puis à profiter aussi de ce que tu as auprès de toi, ta famille, tes proches. C'est ça, ouais. Et sortir de sa bulle créative, c'est aussi l'occasion de s'imprégner de nouvelles sensations, de nouvelles odeurs, de nouvelles étincelles de créativité, que quand on s'enferme dans sa bulle, à un moment donné, on risque de tourner un peu à vide. C'est ça. Et surtout de répéter tout le temps les mêmes tics créatifs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force d'être dans une bulle, on finit par tourner en rond, quelque part. Oui, tout à fait. Alors que finalement, je dirais que... tout ce qu'il y a à l'extérieur justement de cette bulle, c'est autant de sources d'inspiration, de, comme tu dis, d'étincelles de créativité qui peuvent servir justement à agrandir aussi un peu cette fameuse bulle, quoi, quelque part, englober plus de choses, avoir une vision un peu plus, soit plus précise de ce qu'on veut faire, soit plus globale. Enfin, c'est toujours intéressant justement, ça nous aide à prendre du recul. Si on en prend D'ailleurs. Ouais, si je peux, pour rapprocher ça du film, ou s'il y a un autre aspect du film qui est vraiment important, justement, c'est la curiosité. On le voit, en fait, déjà être curieux de... des fois, il s'inspire de ses rêves, des avions qu'il voit en rêve pour pouvoir créer. Des fois, il s'inspire de ce qu'il voit dans la nature, notamment les oiseaux, quoi. Il me semble, il s'inspire d'une arête de poisson pour concevoir un planeur. Et puis on le voit aussi s'inspirer de ce qui se fait par ailleurs, d'avoir une curiosité énorme en fait. Au début, il se plaint du retard technologique qu'a le Japon en matière d'aéronautique. Et puis on le voit justement aller en Allemagne pour aller rencontrer les maîtres de l'aéronautique militaire allemande et tout. Et donc c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il faut aussi avoir une grande curiosité. À la fois pour ses pairs et puis aussi pour ses mentors et puis aussi justement pour des choses qui semblent pas forcément être dans notre sujet mais qui vont nous apporter du grain à moudre parce qu'un bon créatif c'est aussi quelqu'un comme tu le disais d'ailleurs Bastien qui relie des points qui semblaient pas forcément reliés entre eux de prime abord. Justement, ça me permet d'embrayer juste un tout petit truc. Alors, je voulais finir sur un deuxième exemple personnel, mais ça va être très rapide. Sur la curiosité et tout ça, un grand curieux, en fait, c'était Léonard de Vinci. Il a une phrase que je trouve géniale, c'est « Sois bien attentif, parce que ce que tu vas voir n'est déjà plus ce que tu viens de voir. » Et j'ai trouvé sur un site internet un article qui parlait des différentes facettes de la créativité de Léonard de Vinci. Donc il y avait la curiosita, qui est justement une curiosité insatiable et une soif inextinguible de connaissances. Il y avait la dimostratione, où en fait l'idée de faire mettre ses connaissances à l'épreuve par l'expérimentation, quoi, et avoir le désir de tirer des leçons de ses erreurs. La sensationner, qui est l'idée de mettre l'accent sur le raffinement continu des sens dans le but de rehausser ses expériences. Bon, c'est disons qu'il y a la curiosité, puis la sensationner, c'est plutôt être attentif, en fait. Le sfumato, c'est ce qu'on appelle l'art du vaporeux, c'est-à-dire apprendre à composer avec l'ambiguïté, le paradoxe, l'incertitude. Je pense qu'on peut relier ça aussi à ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire... de voir en fait des idées arriver de nulle part quoi. On, Y a beaucoup ça dans Doctor House, la série Doctor House, où des fois il y a une scène complètement anodine et ça lui donne la solution pour guérir telle maladie, parce que lui il fait des analogies qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Il y a également l'arte, la scienza. Le principe, c'est de rechercher l'équilibre entre l'art et la science, entre la logique et l'imagination. Il s'agit d'une façon de penser qui sollicite le cerveau tout entier. Alors j'aime bien cette réflexion. Parce que bon, souvent quand on entend de la neurobiologie de bas étage, souvent on dit que la créativité ça vient d'un seul hémisphère, quoi. Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, quoi. La vérité c'est que les gens créatifs, généralement quand on regarde une IRM, c'est un feu d'artifice dans toutes les régions du cerveau, quoi. Il y a la corporalita. Qui est l'idée de rechercher la grâce, l'ambidextérité, là c'est dire utiliser ses deux mains, la bonne forme physique, l'élégance. Et ça c'est marrant, c'est quelque chose sur lequel il faut, ça donne à réfléchir. Et c'est vrai que par exemple, je pense que pour être un bon créatif, c'est bien d'être en forme, même si on n'est pas un sportif, c'est bien effectivement de se maintenir en forme. Et la dernière chose, c'est la cognitionner. C'est-à-dire reconnaître et faire l'éloge de l'interdépendance de toute chose et de tout phénomène. Voilà, c'est l'idée de développer sa pensée systémique, de voir vraiment les choses dans leur ensemble, dans leur complexité en fait. Aussi, bah, je pense que ça veut dire aussi de comprendre qu'on n'est pas capable d'expliquer toute la complexité du monde, hein. Bon, bah, tu vois, tu parlais pour Forain de se documenter. La documentation, c'est important. Mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est de comprendre que de toute façon, on n'arrivera jamais à faire tous les liens qui existent, quoi, et avoir l'explication de tout. Et ça me paraît important, justement, notamment quand on s'attaque à vouloir créer, décrire des univers cohérents. Oui, bah, disons que ce qu'il faut être capable de faire, c'est des choix aussi. C'est souvent ce que je dis quand on me demande en tant qu'auditeur comment présenter un jeu ou autre. C'est effectivement, il ne faut pas forcément chercher le souci d'exhaustivité. On va dire, moi, le travail de documentation que je fais, c'est sur un point particulier, enfin, deux ou trois, mais disons que je ne cherche pas à décrire tout ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est vraiment sur quelques points que je veux mettre en avant, que je veux clarifier. Et à partir de là, bon, effectivement, il faut choisir. Mais c'est ça qui est important, c'est de ne pas trop s'éparpiller non plus, parce que sinon, à trop vouloir en dire, ben, on dit plus rien. Alors normalement, la fin de cette là, on a fait la phase d'exemple. Normalement, la fin de cette phase d'exemple, on finit par une petite phase de name dropping, c'est-à-dire si on a des regrets, on peut les balancer en deux trois phrases. Bah, moi notamment, si vous voulez, Léonard de Vinci, c'était mon name dropping à moi. Je sais pas que si vous en avez, sachant que je pense que ce serait bien qu'on passe quand même très rapidement au concept, parce que là, on était très gourmand sur le temps. Oh là, tout de suite, ça ne me vient pas forcément, donc à la limite, on Faut pas se peut. forcer. Et Bastien? Moi, il y a une phrase sur la créativité que j'aime bien, c'est une phrase d'Albert Einstein qui dit la créativité, c'est l'intelligence qui prend du plaisir. Et je pense que ça résume bien un peu ce que moi je cherche dans la créativité, c'est un, prendre du plaisir, et puis faire les choses en utilisant son intelligence, et l'intelligence, elle peut être soit l'intelligence analogique qui met les choses ensemble, ou alors une intelligence qui est parfois plus cartésienne, ou à un certain moment, quand on est dans la phase de travail, on a besoin de pouvoir mettre A plus B égale C, et de pouvoir le répéter de manière récurrente. Donc voilà, dans cette petite phrase, moi je trouve que il y a beaucoup de choses sur le travail de créateur qui sont résumées. Parce que ce qui est important, c'est aussi de prendre du plaisir, même dans ces phases de travail intensif, où les choses deviennent parfois répétitives, parfois très contraignantes. Tout à fait. Donc, ouais, c'est une phrase qui donne vraiment à réfléchir, en fait. La deuxième partie, donc, ce sont les concepts, c'est-à-dire que chacun s'est pris une petite part de ce gros gâteau, hein, qui est le thème passer à l'étape supérieure. Et donc, on a commencé par toi, Bastien, le premier tour. Donc là, cette fois-ci, on va commencer par Jérémy. Quel est ton concept, Jérémy? Bah, une des choses dont on discutait un petit peu, c'est le côté édition. Et ça revient, c'est un peu dans la même veine que ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. C'est-à-dire, quelle que soit la direction qu'on prend, il faut savoir pourquoi on l'apprend et du coup comment on va la comment on va l'exploiter. Notamment quand on parle d'édition de jeux de rôle ou de n'importe quoi hein, d'ailleurs. On a parlé tout à l'heure de plusieurs modèles économiques, du côté indépendant, du fait que j'étais éditeur aussi, et du crowdfunding. C'est des débats qui sont assez actifs régulièrement sur la toile, dans d'autres podcasts ou autres. Et c'est souvent, on a tendance à se focaliser sur la finalité de l'indépendance ou pas de l'auteur finalement. Sauf que ce qu'on oublie souvent, c'est que on va dire l'éditeur, c'est pas seulement un faire-valoir entre guillemets qui va avancer de l'argent ou autre. C'est aussi un vrai travail et ça permet justement d'avoir une vision à la limite avec plus de recul. C'est-à-dire que lui, il va avoir du recul sur le jeu qu'il va éditer. Normalement. Donc le but c'est aussi de permettre à l'auteur de pouvoir se concentrer sur sa création laissant justement à l'éditeur tous les aspects administratifs, juridiques, ce genre de choses, ou qui vont faire en sorte que le jeu soit valorisé et la diffusion la plus importante possible. Et puis tu as dit tout à l'heure, il y a aussi l'éditeur qui, je dis pas qu'il pousse aux fesses, mais qui est un émulateur, quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'à la limite, on va dire l'éditeur a aussi des objectifs, c'est-à-dire qu'il va pas, il n'est pas là juste uniquement pour sortir le jeu de l'auteur. À la limite, enfin moi, en tout cas en tant qu'éditeur, si je m'intéresse à un jeu, c'est parce que le jeu m'intéresse. Et parce que j'y crois, donc ça veut dire que je me dis que je peux le défendre et que j'ai envie de le défendre surtout. Et à partir de là, bah effectivement, je veux dire, je vais faire en sorte que l'auteur il puisse aussi avancer pour que moi je puisse défendre son jeu, que je puisse effectivement aider à ce que cette création dont j'estime qu'elle doit rencontrer son public, elle puisse le rencontrer de la meilleure des façons. Donc quand on fait de l'édition ou de l'auto-édition, quel que soit l'aspect qu'on choisit, il faut qu'on sache quel est le but en faisant ce choix-là. Est-ce que c'est parce que on va dire on n'a pas envie de se mettre entre guillemets sous la direction d'un éditeur, ce qui est tout à fait relatif quand même dans notre petit monde du jeu de rôle. La plupart sont des passionnés, donc c'est pas forcément des éditeurs tyranniques, hein, loin de là. Ou est-ce que c'est de valoriser sa création, d'être conscient que bah à la limite on peut pas forcément tout maîtriser des fois. Hein. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui y arrivent moins bien. C'est pas, je dirais à la limite c'est pas une honte de par exemple de ne faire que l'écriture par exemple si on sait pas dessiner, l'éditeur, il est aussi là pour justement trouver des illustrateurs, savoir comment valoriser visuellement le texte. Tu me permets de globaliser ta réflexion, en fait, la question que tu poses, c'est un peu qu'est-ce qu'on doit quoi choisir entre le travail solo et le travail en équipe. Parce que là, tu parles aussi des illustrateurs, des choses comme ça. Bah, disons que tu as le travail en équipe tu peux avoir le travail en studio par exemple. C'est-à-dire que tu peux avoir le jeu qui est écrit par un seul auteur ou tu peux avoir le jeu qui est écrit par plusieurs auteurs en même temps et qui travaillent sur un même sujet. Ça peut être la différence, par exemple, entre un jeu comme, je sais pas moi, Patient 13 d'Anthony Combrexel ou Les Ombres d'Estérène. D'un côté, tu as Patient 13 qui est un jeu, on va dire, fait par un auteur, principalement, et de l'autre côté, Les Ombres d'Estérène, c'est toute une équipe d'auteurs, d'illustrateurs, etc., qui travaille dessus, quoi. Donc l'approche n'est pas la même, déjà. Au final, c'est pas du tout le même objet, quoi. Ah bah, c'est pas le même objet, oui, mais à la limite, on va dire, ça c'est la forme qui est choisie après, mais tu peux très bien avoir des petits livres qui sont faits par des équipes, et des gros qui sont faits par un seul auteur. c'est pas incompatible. On va dire c'est pas le l'objet final ne conditionne pas le nombre d'auteurs ou d'intervenants sur le jeu. Ouais, d'accord. Ouais. Après voilà, c'est on va dire ça par exemple, ce sont on va dire ça va être la différence de choix par rapport à l'éditeur. Hein. C'est l'éditeur qui a par exemple, qui fait les choses d'une certaine façon, qui va vouloir le valoriser d'une certaine façon, parce qu'il pense que c'est le bon choix, ou parce qu'il a l'habitude de faire comme ça, enfin, pour différentes raisons. Mais dans la question qui se pose, effectivement, c'est si on fait un choix plutôt qu'un autre, faut que ce soit un choix réfléchi. C'est parce qu'il y a effectivement pas mal de facteurs qui sont intéressants de prendre en compte sur la valorisation, sur la diffusion, c'est-à-dire que, ben, effectivement, quelqu'un qui auto-édite son jeu aura plus de facilité à maîtriser tous les aspects, enfin, on va dire à être maître entre guillemets de sa création, sauf que bah, il aura peut-être moins de visibilité parce que il n'aura pas le même réseau de distribution, de diffusion, de communication, etc. Donc ça c'est plein de points à prendre en compte et dont il faut être conscient. C'est pas seulement une question de sous-sous ou de maîtrise à la limite. Mais ça, c'est ce que je dis tout le temps, ça revient, c'est toujours la question du choix. C'est-à-dire on fait les choses pourquoi et il faut savoir pourquoi on les fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, puis j'imagine que c'est. Est-ce que je dimensionne les choses par rapport au temps, à l'argent, aux compétences que j'ai? Où est-ce que je dimensionne plus grand et du coup je cherche une équipe quoi. Oui, c'est ça. C'est, on va dire, c'est une question effectivement d'ambition aussi, c'est-à-dire que ben est-ce que je me contente de faire ce que je sais faire ou est-ce que j'essaie d'aller plus loin? Est-ce que du coup pour aller plus loin j'ai besoin d'autres personnes ou pas? Dans ce cas-là, à qui je vais m'adresser et pourquoi? Et voilà. Enfin, c'est effectivement, faut connaître ses objectifs. C'est pas indécent de viser loin. Justement, au contraire, c'est ce qui permet de pousser la création. Et du coup, faut savoir comment on peut le faire. C'est ni une honte d'avoir des ambitions, ni une honte de pas forcément arriver à aller jusqu'au bout des fois. Enfin, il peut y avoir des contraintes qui doivent être prises en compte et qui sont importantes aussi. Donc le but, c'est vraiment de savoir pourquoi on fait les choses. Et à ce moment-là, on peut vraiment se pencher sur le comment. Et là, ça devient intéressant, quoi. C'est-à-dire que soit on travaille en équipe, soit on travaille tout seul, soit on travaille avec un éditeur, soit pas. Enfin, c'est toujours se poser la question du pourquoi et de savoir, ben, effectivement, y répondre. Parce que c'est souvent ça, moi, que je peux observer des fois, c'est qu'on fait des choix, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment pourquoi ou comment les justifier réellement. Après, est-ce que tu dois penser à ça? Oh, pardon, Bastien, vas-y, pose ta question. Un moment aussi où il y a une question de, je veux dire, rentabilité, mais pas nécessairement économique, par rapport au portefeuille de compétences qui est nécessaire pour faire de l'auto-édition. La personne qui veut se lancer dans l'auto-édition, il doit collecter ou apprendre un certain nombre de compétences qui est assez gigantesque. Et donc, à un moment donné, faire appel à un éditeur, c'est aussi rentabiliser son temps de création, son temps en tant que créatif. Ah bah, tout à fait. C'est un peu ce que je dis quand je dis qu'il faut faire des choix et être conscient des avantages et des inconvénients. Et qu'effectivement maîtriser sa création, ben, c'est peut-être des fois faire le sacrifice de la créativité aussi. Hein. Et encore, je dis, comment dire, enfin, maîtriser la création, c'est un peu un gros mot pour moi, parce que de toute façon, on est toujours maître de ce qu'on fait. Le principe du droit d'auteur, c'est ça. Mais il faut savoir effectivement des fois mettre un petit peu son ego de côté pour se dire que ben des fois d'autres savent faire des choses mieux que nous. Et limite, ouais, voilà, la mise en page, les illustrations, voilà. Le maquettage, même le plan, hein, je pense qu'un éditeur peut très bien mettre te dire, bah non, mais là, ton plan, le plan de ton bouquin, on n'y comprend rien, il ne faut pas mettre les choses là dans cet ordre. Effectivement, il y a tout un tas de choses qu'un éditeur ou un autre membre de l'équipe saura faire mieux que toi, quoi. Oui, c'est ça, et c'est pas une honte. Je veux dire, loin de là. Ce que peut apporter un éditeur aussi, s'il fait bien son boulot, c'est justement une vision sur le marché que l'auteur n'a pas forcément. Moi, je veux dire, je le vois des fois avec des auteurs avec qui je travaille ou je discute, qui bossent sur un projet depuis des années et qui finalement ne sont plus très au fait de comment fonctionne le marché aujourd'hui, de ce qui sort ou autre. Donc, ils peuvent très bien avoir un projet très intéressant. Par contre, ben effectivement, leur vision du jeu de rôle, elle est peut-être un peu datée. Donc, un peu obsolète, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, l'éditeur, à ce moment-là, son rôle aussi, ça va être de pas, comment dire, d'encadrer, de dire, ben voilà, on peut avancer sur le projet. Par contre, il faudra peut-être revoir certaines choses, parce qu'aujourd'hui, les clients, ils fonctionnent plus comme ça, ou ils vont plus consommer de la même façon. Ou si on veut intéresser les gens, il faut peut-être présenter les choses un peu différemment. Donc c'est pas forcément remettre en question le fond lui-même, mais des fois un petit peu la forme. Se dire, ben voilà, si on veut présenter les choses, que ce soit qu'on atteigne le plus de monde possible, ben faut peut-être revoir certaines choses, certains chapitres, certaines approches. C'est aussi ça, c'est un peu ça le côté émulation, ce qu'on retrouve dans les concours. De création ou autre. C'est le côté, ben voilà, c'est l'échange. C'est ce qui permet justement d'avoir un produit à la fin qui soit pas optimisé, mais c'est un peu le principe, c'est-à-dire qui finalement touche le plus de monde possible tout en gardant ce que l'auteur a voulu dire, etc. C'est savoir à qui on s'adresse et du coup de faire en sorte qu'on ait le plus de gens possible qui soient intéressés. Si je peux me permettre, c'est pas pour contredire, hein, évidemment, mais plutôt pour. Ouais. Faut pas que cette idée de recruter une équipe interdise à l'auteur d'apprendre, en fait. Je pense qu'il y a, enfin, l'auteur au créatif, il y a un proverbe zen qui dit on commence à vieillir quand on arrête d'apprendre. C'est vrai que ce qui me paraît important, c'est quand même être toujours capable d'essayer de dépasser ses propres limites. Et bon, voilà, moi je sais quand j'ai commencé à écrire pour le jeu de rôle, je savais pas maqueter, je ne savais pas faire d'illustration. Aujourd'hui, parce que je suis une tête de mule, c'est vrai que je suis resté dans l'indépendance, parce que je sais déjà que le travail d'équipe est pas fait pour moi, il faut bien le dire. Mais du coup, j'ai appris à maqueter, j'ai appris à faire du photomontage jusqu'à devenir quand même relativement doué dans ce domaine, et là aujourd'hui je suis même capable de fabriquer mes livres moi-même, quoi. Tu m'aurais dit ça il y a 4 ans, je t'aurais ri au nez, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, je dirais, mais justement. Mais c'est pas incompatible avec l'idée d'être édité, hein. Oui, non, voilà, mais de toute façon, enfin, tu sais, je vais dire très honnêtement, moi j'ai commencé comme ça, hein. Quand je suis arrivé aux écuries d'OGH, à la base, j'avais été recruté en tant qu'auteur pour bosser sur un supplément. J'ai fini par être éditeur, par faire la formation professionnelle pour l'être, etc. Donc je veux dire, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas qui m'ont permis d'intégrer une formation professionnelle. Et finalement, ce que j'ai appris dans cette formation, je le réinjecte dans les projets des écuries ou de ma boîte, des choses comme ça. Donc effectivement, le fait de demander aux autres, c'est aussi une façon d'apprendre, quelque part. C'est pas se couper de la possibilité d'apprendre. Ouais, parce que tu découvres, découvres par leur travail comment on fait, hein, tout à fait. Ouais. C'est ça. Ce qui me semble intéressant par rapport à votre réflexion à tous les deux, c'est aussi de dire que faire appel à une équipe à un moment donné, ça permet aussi de diminuer le ticket d'entrée par rapport à certains apprentissages. Si à un moment donné, tu as quelqu'un qui va t'enseigner les bases de la mise en page, comment fonctionne par exemple le programme de mise en page que tu vas utiliser par la suite, forcément que le ticket d'entrée par rapport à acquérir cette nouvelle compétence, il va être nettement moins important que si tu dois tout faire toi-même depuis le début, quoi. Ah bah oui, c'est clair. J'entends rien par contre. Est-ce que ça va? Alors, on a un petit, on a une petite nouveauté là, c'est qu'il y a Laurie qui devait participer au podcast, qui n'a pas pu le faire pour des raisons techniques, qui vient de se connecter, je crois. Ça explique que vous avez entendu un truc bizarre. C'est normal. Alors, je vais juste lui demander s'il est bien avec nous. Laurie, est-ce que tu nous entends? Non, pas du tout. Ça n'a pas l'air. Ah, Laurie, est-ce que tu peux nous parler? Il y a un suspense inconcevable, hein, c'est le jeu du direct. Laurie, on t'entend taper, on t'entend, tu parles. Hein. Bon, toujours est-il que... Alors, on va poursuivre, hein, et puis bon, je peux dès que Laurie aura réussi à comprendre qui peut parler, il va nous parler, quoi. Jérémy, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur l'édition? En soi, non, c'est toujours un peu la même chose que je dis, hein, c'est, voilà, tu vois, ça va. Et c'est comme ça qu'on avance, après, de toute façon... Quel que soit le choix qu'on fait, il faut savoir pourquoi. Et à ce moment-là, on va dire, on pourra l'expliquer aux autres, et c'est là qu'on peut intéresser les gens. Et c'est ce que je dis aussi quand on me pose la question, c'est voilà, si l'auteur il est capable de défendre son point de vue par rapport à tel ou tel choix, il y a a priori pas de raison qu'on le remette en question. Si c'est un choix créatif, éditorial ou autre, on peut très bien dire que le choix est discutable, mais à la limite, ça peut aussi expliquer certaines choses. Donc à partir de là, c'est un argument de vente, entre guillemets, comme un autre. Et je parle là de façon générale, hein, c'est pas la dimension uniquement commerciale. Oui, tout à fait. Bon, un éditeur, il va être responsable de la suite artistique d'un projet, quoi. Mm-hmm. Ah bah oui, tout à fait. Hein. Il y a plusieurs dimensions, et effectivement, l'auteur sait faire ou pas, l'éditeur aura plus ou moins de travail ou de réflexion à faire sur la création, sur le produit, entre guillemets, sans que ce n'est pas un gros mot. Voilà. Toujours savoir comment valoriser et pourquoi. Ok, alors attends, je mets une petite chose au point avec Laurie. Je pense qu'on va essayer de lui donner la parole. Bon, c'est il y a toujours des contraintes techniques importantes, c'est-à-dire que je crois qu'il peut parler mais pas nous entendre. je fais un essai. Ah, Laurie, écoute, on t'entend. Alors attends, je vais. Est-ce que tu nous entends? J'ai l'impression que Laurie expérimente un lag de plusieurs secondes. Ouais, tant pis. Alors en fait, Laurie peut nous parler, mais il peut pas nous entendre. Là, je viens de proposer, en fait, il va nous faire son speech. Et voilà, on pourra pas l'interrompre. Parce qu'en fait, ah, mais c'est pas. Donc, on va le laisser parler. Oui. Donc je vais faire mon speech, c'est ça que tu attends de moi? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'arrive à vous entendre, mais avec un petit décalage. Donc je vais me lancer alors. Ok. Donc dans la liste des étapes que tu avais mis, en fait, moi il manquait une étape qui me semblait importante, c'était l'étape ambition. C'était en fait de se fixer un projet réaliste et donc réalisable. Alors je suis auteur amateur hein, par rapport à tes deux autres invités. Et moi, mon premier objectif qui m'a un peu poussé à la création, c'était bah, déjà de faire un jeu qui soit jouable avec mes potes. Parce que j'ai toujours créé soit mes univers, soit hacké des jeux. Il y en a un paquet que j'ai jamais pratiqué parce que je suis pas allé au bout. Donc déjà, aller jusqu'au bout du projet en disant bah, celui-là au moins je le jouerai avec quelques copains. Donc après, tu passes à l'étape réalisation, tu arrives au bout, si ça se passe bien, et tu peux revenir en fait, former une boucle et revenir sur l'ambition et te dire bah, maintenant que j'ai passé une étape, je vais le mettre au propre. Alors c'est peut-être spécifique à moi, hein, mais quand j'écrivais mes univers ou mes jeux de rôle, c'était des bouts de papier un peu partout, j'avais des carnets avec des notes en vrac. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, il faudra quand même que je le mette au propre, que ça me fasse un petit cahier ou un petit fichier, et être fier de moi, quoi, avoir mon petit jeu, mon petit classeur, quoi. Donc ça, je l'ai fait. Et je suis revenu à l'ambition et je me suis dit bah je vais aller un peu plus loin. Je vais le partager sur le net. Après tout, j'avais aussi moi pas mal pompé de trucs sur le net et je m'étais dit bah, je vais le partager. Et pour pouvoir le partager, il faut que ça puisse être jouable par d'autres que soi. Et ça nécessite un petit peu plus de travail. Pas trop parce que évidemment je l'ai diffusé sur des forums et on peut me poser des questions et tout ça. Et puis le but c'est qu'il y a deux autres personnes qui jouent et t'es content de toi, quoi. Donc ça je l'ai fait et je l'ai fait sur Silent Drift en fait. Et après on m'a poussé, on m'a incité à passer à une étape du dessus, c'était bah, de faire un jeu qui soit diffusable, c'est-à-dire jouable. Sans le SAV sans le SAV par forum quoi. Donc un bouquin autonome et jouable. Ça, c'est l'étape du dessus. Donc quand j'ai entendu un petit peu le témoignage de Bastien ou de Jérémy, eux avaient directement l'ambition d'aller là. Mais pour un premier projet, moi ça représentait une montagne, quoi. Si je m'étais dit tout de suite je vais faire ça, je l'aurais jamais franchi. Donc, si d'autres que moi veulent passer par ces quatre étapes-là, ils s'arrêtent où ils veulent, mais peut-être qu'ils iront jusqu'au bout. Donc, je vais m'arrêter là et je vous laisse la parole. Alors, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant. Mais par exemple, moi, sur Forain, les étapes que tu décris, je suis passé par là aussi, c'est-à-dire que on va dire avoir une première ambition et aller jusqu'au bout et ensuite la remettre en question et aller plus loin, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, à la limite, le Forain, au départ, c'était une version de concours qui, comme je disais tout à l'heure, qui faisait une quarantaine de pages. Et une fois que je suis arrivé, une quarantaine de petites pages, une fois que je suis arrivé à ça, que j'ai pu faire ce truc-là, c'est à partir de ce moment-là où bah, effectivement je l'ai partagé sur le net aussi. C'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt, que j'ai été invité à le présenter aux rencontres du Club Pythagore et à Provins. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à réfléchir sur la possibilité d'aller plus loin avec mon jeu et justement bah, du coup d'augmenter un petit peu l'ambition. Donc c'est tout à fait ce que tu as décrit, ce que tu as décrit là. Hein, mais effectivement, après maintenant j'ai plus l'habitude de voir les choses de façon globale, avec beaucoup de recul tout de suite. Et ça, c'est mon entraînement entre guillemets d'éditeur. Donc, c'est aussi c'est un peu la suite logique de mon parcours. Mais c'est dans l'absolu, c'est le même cheminement. Oui, moi, j'ai vraiment envie de dire un peu la même chose que Jérémy. Ça fait 25 ans que j'écris des jeux. C'est parce que ça fait... j'ai cette expérience de 20 ans d'écrire des jeux d'abord pour moi et puis pour des copains et puis d'oser sortir un petit peu, diffuser et montrer. Mais vraiment, comme tu as décrit, quoi, Laurie, on commence par les forums et puis à un moment donné, on se dit, ben non, on a une valeur d'écrivain, on a une valeur de créatif, on a envie d'aller plus loin. Il y a des gens qui nous poussent à nous dire, ben oui, franchement, ce serait bien. Moi, je veux dire, les Terres Barbares, à un moment donné, il y a Kobayashi qui m'a dit, écoute, Bastien, je veux que tu sortes les Terres Barbares. Si Kobayashi ne m'avait pas dit, tu veux que je sorte les Terres Barbares, probablement j'en serais resté à un setting disponible sur le net sans aller nécessairement beaucoup plus loin. Si je peux me permettre aussi, pour ma part, je trouve que cette approche, elle reste importante, même quand tu as, dès le départ, des ambitions de publication. Je sais que, par exemple, pour Influenza, quasiment du moment où j'ai fait le premier playtest, je savais que je éditerais le bouquin, hein, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais de toute façon, mon ambition première, ça a été... Ok, tu fais un jeu que tu peux playtester avec tes amis. Une fois qu'il a tourné avec mes amis, j'ai ambitionné d'aller le faire jouer avec des inconnus en convention. Après, j'ai ambitionné de sortir une première version de 30 pages à destination des curieux qui voulaient playtester le jeu. Et c'est seulement après ces trois premières étapes que je me suis dit, ok, c'est bon, là j'ai assez de biscuits pour faire la rédaction finale. Donc, de toute façon, cette espèce de façon de faire par ricochet, elle me paraît valable, même si dès le départ, tu as de grandes ambitions. Alors, je crois que c'est Sébastien pour son concept. Alors, Laurie, on te remercie beaucoup. Je sais que tu vas nous entendre, d'y nous répondre. Je te remercie d'avoir eu la gentillesse de suivre ce podcast avec des conditions techniques très compliquées. J'espère qu'on aura d'autres occasions dans des conditions plus agréables. Tiens, je sais que toi, tu dois finir à 18h. Donc, oui. Pour les podcasteurs, pour les auditeurs, il faut qu'ils sachent que grosso modo, il reste un quart d'heure pour Bastien. Ce que je te propose, c'est que tu vas pouvoir présenter ton concept et ensuite tu passeras directement à la synthèse, c'est-à-dire que je vais chanter mon concept. Ok. Je mixerai mon concept avec ma synthèse, tout simplement. Quoi. D'accord, ok. Je pense que donc, par rapport au Terres Barbares, le concept, ils vont s'exprimer de deux manières différentes. Une première manière, Tranchons et Dragons, où là, je compte faire une campagne de financement participatif, de manière à pouvoir payer des illustrateurs professionnels et la mise en page du bouquin, donc de manière à ce qu'ils puissent sortir en version papier. Et puis être disponible aussi en print on demand par la suite. Donc, mais ça, comme on en a déjà discuté, ben, je vais pouvoir passer au point suivant parce que donc j'ai aussi une version donc des Terres Barbares qui se décline avec le système de jeu de Dungeon World. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait moyen de décliner les Terres Barbares dans Dungeon World sous la forme de petites fiches de jeu, de manière à faire un bac à sable, puisque le thème a été défini, je ne reviendrai pas dessus, qui soit modulaire. C'est-à-dire que chaque élément, comme je l'ai dit, moi j'ai énormément de liens entre tous les éléments de mon bac à sable, et donc là l'idée c'est d'avoir des cartes que l'on puisse tirer et moduler ensemble pour créer les éléments du bac à sable. Et donc c'est un autre jeu de rôle, quoi. C'est un autre jeu de rôle, c'est un autre système de jeu de rôle. Il y a moyen de trouver sur le net plein de renseignements dessus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il est très, très light, en, très léger en termes de système de jeu. Et donc, ça permet vraiment de se concentrer sur plus les aspects de la fiction, de l'histoire et de la narration. Et donc, pour ce système-là, je vais utiliser le système, pour publier ces cartes, ces jeux de cartes, de manière à construire un univers sur le pouce quand on a besoin de faire un bac à sable. L'idée, c'est d'utiliser le système de patronage. Donc, il y a un site qui a ouvert il y a maintenant 2 ou 3 ans qui s'appelle Patreon. C'est www.patreon.com sur lequel il y a moyen des artistes proposent un patronage. Donc, vraiment comme le mécénat des temps anciens. Et en fait, chaque fois qu'ils sortent un résultat, qu'ils sortent une œuvre, ça peut être une chanson, ça peut être une peinture, ça peut être un petit jeu, ça peut être un scénario, un dessin, une carte, etc. Eh bien, Patreon prélève une partie de l'argent auprès de tous les mécènes de cet artiste. Donc, alors, si je comprends bien, tu t'engages pas sur un délai de rendu, quoi. Oui, c'est ça. Donc, contrairement au financement participatif où tu es ponctionné au moment où la campagne arrive à terme et est un succès, et que l'œuvre est livrée plus tard, parce que justement la levée de fonds sert à 2 ou 3 ans plus tard. Oui, c'est ça. La levée de fonds sert généralement à diffuser l'œuvre. Donc ici, non, le système est inverse. C'est quand l'œuvre est prête et est mise à disposition par le créatif que les mécènes sont ponctionnés. Voilà. Alors, c'est particulièrement adapté, évidemment, à un mécénat, ici, qui est quelque chose de relativement régulier et qui est sur des petites choses. Donc, par exemple, moi, ici, mon ambition, ce serait pour... Donc dans le cadre des Terres Barbares, ce serait de sortir entre 2 et 4 jeux de cartes par an, mais de les sortir par 4, 5, 6, 7, 8 cartes tous les mois, quoi. De manière à ce que fin d'année, on puisse avoir un jeu de cartes complet. Donc les patrons, les mécènes pourraient avoir les cartes directement et pouvoir se les imprimer sous un format PDF, donc pouvoir les imprimer pour eux pour jouer, et donc ils sont directement disponibles. Mais en fin d'année, on pourrait rassembler tout ça dans un système de cartes imprimées à la demande, puisque maintenant il y a de plus en plus de boutiques qui proposent ce genre de choses. Et alors là, en tant que patron, ben, les gens auraient un discount pour avoir accès à ces jeux de cartes-là à prix coûtant. Voilà. Ah, oui, parce que... Donc, quand tu sors tes cartes, est-ce qu'elles sont là, en PDF là, au début, elles seraient disponibles que pour les patrons, elles sont pas disponibles ailleurs pour quelqu'un d'autre, quoi. Oui, c'est ça. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est les patrons t'aident à créer. Donc ici, les patrons, ils reçoivent les cartes au fur et à mesure qu'elles sont créées, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et en fin d'année, quand un jeu de cartes, un deck complet est disponible, alors eux reçoivent un coupon pour pouvoir l'acheter à prix coûtant, et puis alors après ça, il peut être mis à disposition du grand public, là, à un prix qui restera déterminé. Je ne sais pas du tout s'il sera coûtant ou pas. Voilà. Mais c'est pas... L'idée quand même, c'est que les patrons puissent terminer avec un objet de qualité, à un prix qui est tout à fait raisonnable. Mais il ne faut pas oublier, ça reste du mécénat. Moi, à l'heure actuelle, je suis 3 personnes comme ça sur Patreon. Y en a un, c'est quelqu'un qui produit des scénarios pour Dungeon World. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore le temps de faire jouer un seul de ces scénarios. Je les ai tous lus, mais je n'ai pas encore le temps d'en faire jouer un seul. D'accord. J'essaie de comprendre, d'extrapoler un modèle qui peut intéresser assez longtemps. Est-ce qu'il y a obligation de livrer quelque chose au patron, en fait? Est-ce que tu peux, par exemple, supposons, j'ai n'importe quoi, j'écris des nouvelles, par exemple, et dire à chaque fois que je sors une nouvelle, je touche de l'argent, Mais en fait, cette nouvelle, elle est dispo gratuitement pour tous, ou alors elle est éditée dans un magazine, des choses comme ça. Mais les patrons n'ont rien. Enfin, est-ce que les patrons ont forcément une contrepartie? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Une contrepartie qui, entre guillemets, qui soit supérieure à ce que les autres pourraient avoir, soit de façon gratuite, soit de façon payante. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Par exemple, une des personnes que je suis, ils sont à deux. C'est un écrivain et un illustrateur qui font des monstres pour du jeu de rôle. Et quand les monstres sont finis, nous, on paye, on est ponctionné et on reçoit en fait le monstre un mois avant sa sortie officielle. Mais un mois plus tard, il est mis à disposition de tout le monde. Donc voilà. Les dispositions gratuites ou payantes hein. Oui, non, gratuites, oui, tout à fait. Sur un site internet, tu vas trouver le monstre. Oui, c'est souvent le patronage s'accompagne d'un blog ou quelque chose comme ça sur lequel on peut suivre l'avancée des développements, etc. Donc voilà. Il y a le troisième patron que je suis qui produit des cartes. Son objectif maintenant, il a fixé un objectif à partir duquel. S'il obtient cet objectif financier, toutes ces cartes seront relâchées en Creative Commons libre, quoi, juste en Creative Commons 3.0 Unported by. Donc, on pourrait même utiliser ces cartes dans des produits de jeux de rôle commerciaux ou dans d'autres produits, quels qu'ils soient, quoi. Donc, donc là, il n'y a plus de contrepartie pour les patrons, si ce n'est le fait de se dire, ben oui, on finance finalement un artiste dont on reconnaît la qualité, dont on aime le travail. Alors qu'à l'heure actuelle, les cartes, donc nous, en tant que patrons, on a accès à des versions haute définition de ces cartes-là qui ne sont pas disponibles pour les non-patrons. Okay. Est-ce que tu... Bon, c'est une solution financière, le prenage, mais est-ce que pour toi, ce n'est pas aussi un motivateur, en fait? Alors, c'est le genre de motivateur qui peut se retourner contre toi si tu le gères mal. En ce sens si t'as, que... Si trop... bah, tu le gères mal, tu peux ne pas respecter ton... Ah, tu peux très bien dire que tu essaies de sortir quelque chose tous les 15 jours, 3 semaines et sauter une étape. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de mécénat ne fonctionne véritablement bien que si tu maintiens le lien avec tes mécènes. D'accord. Donc à partir d'un moment donné, si tu es en peine d'inspiration, si tu es en phase de démotivation ou autre, tu peux rencontrer le problème de devoir communiquer autour à tes mécènes, de dire j'ai rien à vous fournir et devoir, oui, quelque part maintenir ta base de maintenir intéressés. Donc tu as quelque part un incitant à la productivité. Dans le bon et comme le mauvais sens, et tu as, je veux dire, un devoir de communication envers tes mécènes. Ouais, surtout que le risque, c'est. Moi, j'avais fait un article sur Imaginaire qui s'appelait Zéro délai, zéro deadline. L'idée étant aussi que bon le patronage quelque part c'est un peu ce ou la souscription ou bosser avec un éditeur ou s'en fixer soi-même. Enfin bon, quand on se fixe des deadlines, cette limite, le risque c'est de rendre l'activité créatrice vraiment stressante ou alors de bâcler ses projets quoi. L'un ou l'autre, c'est des risques qui sont réels. Ou de se fermer à certaines opportunités quoi. Moi je sais que j'essaie de pas trop me fixer de deadline et par moments ça m'a permis de me reporter sur des projets qui me motivent plus et d'être actif parce que je pouvais basculer d'un projet à l'autre comme je l'ai dit quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, on l'a beaucoup vécu avec dans un certain nombre de financements participatifs de jeux de rôle, avec des gens qui se fixent des dates limites qui sont pas du tout réalistes, et qu'au final le jeu arrive avec un retard gigantesque qui stresse tout le monde, surtout si en plus il y a une mauvaise communication à côté. Donc il y a, il suffit de traîner un petit peu sur les forums pour se rendre compte de quelques très très bons et mauvais exemples dans un sens comme dans l'autre. Je pense que à ce niveau-là, ben, c'est ça qui peut devenir à un moment donné stressant, c'est que si tu as envie de te mettre sur un autre projet, que ce projet, tu as envie de le mettre de côté, si tu t'arrêtes trop longtemps par rapport à un système de patronage, tu peux perdre ta base de patron et à ce moment-là, la reconquérir sera deux fois plus dur, évidemment. Donc, tu peux te sentir obligé de continuer à produire pour conserver ta base de patron et donc conserver quelque part l'apport financier que t'amène ta créativité, ta création. Alors, Bastien, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le patronage, enfin, c'est vraiment très intéressant. J'invite les gens à regarder ça. Ça me paraît un modèle alternatif au financement participatif qui pourrait avoir un certain avenir. Bon, après, j'imagine qu'il y a peut-être des critiques à faire, mais bon, pour le moment, je suis pas au courant assez à fond pour savoir quels sont les points noirs de patronage ou s'il y a d'autres sites qui le permettent. Mais du coup, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe à ta synthèse? Je dis ça aussi pour pas te, parce que le temps avance et puis pour pas te retenir. Oui, ouais, écoute, plus je crois que j'ai, enfin bon, j'ai toujours plein de choses à dire, mais là par rapport au sujet qui nous occupe, je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire. Et donc voilà. Pour la synthèse, rappelle-moi ce que tu attends de nous pour la synthèse. Attends, la synthèse, en fait, grosso modo, c'est un peu ta liste au Père Noël, c'est-à-dire qu'est-ce que tu conseillerais à d'autres créatifs pour qu'ils puissent pour passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce qui pour toi passer à l'étape supérieure qu'est-ce que tu conseillerais voilà, bon, après, évidemment, avec toute l'humilité nécessaire, hein, parce que des fois on applique des conseils qui sont pas forcément bons, hein, c'est difficile de savoir. Oui, surtout que la valeur, enfin, un conseil n'engage que celui qui l'écoute. Mais ouais, tout à fait. Ouais. On sait, on a toutes les subjectivités à assumer. Voilà, quelle est ta liste au Père Noël? Moi, ma liste au Père Noël, c'est la phrase de Change que j'ai dit tantôt. C'est la créativité, c'est l'intelligence qui se fait plaisir. Il faut se faire plaisir. Si on veut passer à l'étape supérieure, il faut que cette étape supérieure vous fasse plaisir. Sinon, ça se met vraiment beaucoup de contraintes sur le dos, ça se met beaucoup de pression sur le dos, surtout si on n'est pas ou mal entouré. Et il faut, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on crée parce qu'on a besoin de sortir quelque chose et que quand on sort ce quelque chose-là, ça génère énormément de plaisir. Tu parlais tantôt des endorphines, quand on est dans le flow, c'est vraiment tout à fait juste. Et donc, je pense qu'il faut bien réfléchir aux responsabilités qu'on prend vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres quand on décide de passer à l'étape supérieure qui va être, on va dire, une diffusion, quel que niveau qu'elle soit. Est-ce que je peux me permettre un parallèle? Il y a Joss Whedon, le créateur de Buffy des Avengers, qui a une petite phrase que j'aime bien aussi, c'est manger le dessert en premier. C'est-à-dire de l'idée que quand on a un projet, surtout s'il a une certaine ambition, le mieux c'est de commencer par la partie du projet qui nous motive le plus, quoi. Oui, et c'est ça. J'ai presque envie de rajouter peut-être manger que le dessert, en fait. C'est-à-dire qu'après tout, n'importe quoi, imaginons on fait un scénario de bande dessinée, ce qui nous intéresse c'est de dessiner des stons. On peut soit commencer par un ballon, puis après on voit pour dessiner le reste, ou alors après tout, pourquoi on ferait pas, si c'est si y a que ça qui nous intéresse, autant en faire une bande dessinée où il y a de la baston tout du long, quoi. Hein. Oui. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait tantôt avec Jérémy, hein. C'est aussi le rôle, ça, de l'éditeur. Moi, je vois un peu l'éditeur aussi comme un chef d'orchestre par rapport à un projet, ou comme un chef de projet par rapport dans le monde créatif. Si à un moment donné, l'acquisition de compétences, le travail lié à certaines parties de ce qui est nécessaire à faire pour diffuser ton projet, que ce soit au niveau de la rédaction ou d'autres, ça t'ennuie. Si ça te met de la pression, que tu te rends compte que c'est trop de travail par rapport au plaisir que ça te procure, c'est dans ces cas-là qu'il faut réfléchir à est-ce que je délègue, comment je délègue, à qui je délègue, et qu'il faut peut-être se dire, je prends maintenant du recul et j'essaie de trouver des gens qui font ça nettement mieux que moi, dont j'apprécie le travail et qui vont être intéressés par ce que moi je peux apporter dans le cadre d'une équipe de la diffusion de ce que je fais. Ou inversement, tu peux rester un de tes ambitions des fois. Par exemple, dans le cadre d'un jeu de rôle, des fois on a tendance à penser qu'un jeu de rôle doit impérativement, je sais pas, faire 400 pages avec des illustrations en quadricomie, et puis des fois on se rend compte qu'au final c'est pas pour nous ce qui compte, quoi. Que ça, oui, tout à fait. On fait un de 100 pages sans illustration, il nous plaira tout autant et au moins on aura fait que du fun, quoi. Tout à fait. Ben, écoute, là, à ce niveau-là, ben, moi, je vis un exemple tout à fait récent avec le Game Chef de cette année, donc le concours Game Chef. J'ai sorti un jeu qui s'appelle La Meute des Changeformes, qui va pouvoir être diffusé, je veux dire, après le concours, sous la forme quasi dans laquelle je l'ai rendu. Je ne compte pas, dans ce cadre de ce jeu-là, arriver à un truc de 50 pages ou 200 pages ou de 400 pages. Non, ça va être un truc qui va faire une vingtaine de pages que les gens seront amenés à créer par eux-mêmes. Et voilà, le PDF va coûter quelques euros, probablement moins de 5, et puis que les gens se démerdent. Mais c'est un petit jeu apéritif à faire sur le pouce, qu'on a testé la semaine dernière avec beaucoup de bonheur et beaucoup de bonne humeur. Et bon, ben voilà, moi ce que j'espère, c'est que voilà, par rapport à ce jeu-là, j'ai pas d'autre ambition. Et c'est très bien comme ça. Ah, complètement. Voilà. Bon, puis on parlait de l'édition, mais je pense, enfin, Jérémy me contredira pas, parce que par exemple avec la collection In Vitro, tu sors des ouvrages qui font quoi, 100 pages, et puis tu peux mettre des vrais bijoux, un roman érotique, c'est 50 pages, non? Ouais, c'est ça, c'est 32 pages, ouais, donc c'est, de toute façon, la limite maximum de la pagination de In Vitro, c'est 80 pages. Donc les plus gros In Vitro font 80 pages. Donc c'est le but, c'est vraiment d'avoir des petits jeux avec une forte identité, quoi. C'est une identité, c'est un concept, c'est une idée en particulier qu'on a envie de mettre en avant, pas de la noyer dans du contexte ou plein de choses, etc. C'est vraiment de dire voilà, tiens, il y a une idée, elle est intéressante, on la donne. Après, ça peut être justement une porte ouverte pour développer sur un autre projet, pour reprendre l'idée ou autre, pour s'en inspirer. Mais c'est vraiment de faire tester des petites choses, d'expérimenter. C'est vraiment ça, le point de la collection, c'est expérimenter, quoi. Et donc là, on n'a pas besoin d'avoir un livre de 300 pages pour le faire. Ok. Bastien, est-ce que tu as autre chose pour ta synthèse, hein? Bah écoute, non, je pense pas. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Tu le sais, je peux être très bavard, donc ouais. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a dit plein de choses intéressantes. Et de toute manière, moi, je dois vous quitter. Donc, merci de m'avoir invité. Bah, tout le plaisir pour nous. Hein. C'est toujours passionnant d'entendre parler des terres barbares et toutes tes petites créations. Voilà, bah écoute, peut-être à une prochaine. Hein. Okay. Au revoir, Bastien. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Prochaine. Alors, je vais essayer de donner la parole à Laurie, qui m'a dit qu'il pouvait nous entendre. Laurie, est-ce que tu peux nous parler? Alors, je vous entends. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui, nous t'entendons très bien, Laurie. Oh, 2 heures de galère sur mon ordi. Et ben voilà, c'est bon, quoi t'arrives. Du coup, est-ce que tu veux faire ta synthèse ou Jérémy, n'importe? Oh, bah vas-y Laurie, j'en prie. En fait, sur ma synthèse, c'est plus une question, mais... toujours dans tes ordres, tu avais commencé par l'envie qui l'étape d'après, c'était l'idée. Ah ouais, tu veux que je résume l'ordre pour te lancer? Bah, je peux la redonner, hein. Il y avait la procrastination, ouais, qui passait à l'envie, l'envie qui passait aux idées, ouais, l'idée à la réalisation à la diffusion et la diffusion à la vision. Ouais. Et je me suis beaucoup interrogé sur l'ordre envie-idée, où est-ce que c'était l'idée qui donnait l'envie? C'est un vaste débat. Non, mais je pense que l'ordre que j'ai mis est tout à fait critiquable et discutable. Et donc, je vais juste apporter deux éléments en fait là-dessus. Avant, je partais toujours j'avais une idée et puis si tu crois assez à ton idée, tu te dis, bah, je vais avoir envie de l'emmener au bout, quoi. Donc, je le sentais un petit peu comme ça. Les deux projets que j'essaie de mener à terme, Neugordien et Sacrifice, eux, ils sont nés effectivement d'abord d'une envie. Et il n'y avait pas de jeu qui me satisfaisait pleinement pour répondre à cette envie. Tu peux résumer peut-être quand même un petit peu les propositions de Neugordien et Sacrifice, hein. Bah tiens, j'y viens. Donc Neugordien, au départ, c'est un hack de Dogs in the Vineyard. Alors, Dogs in the Vineyard, du coup, c'est pareil, personne ne sait ce que c'est. Vas-y, dis-nous. Vite fait, c'est un jeu qui se base sur des dilemmes, qui me faisait super envie, mais le setting, donc on joue des mormons qui essaient de faire appliquer la loi biblique, ou la loi religieuse. Il y a une certaine ouverture sur l'interprétation du texte. Ça m'emballait pas du tout, quoi. Donc j'avais vraiment envie d'y jouer, et on a cherché une idée sur comment hacker le jeu pour y jouer et se faire plaisir. Sacrifice, c'est un peu le même principe. Je fais beaucoup de jeux de rôle avec des combats, et je me rends compte qu'il n'y a rien qui me satisfait pleinement dans ce que je recherche dans un combat. Et donc j'avais envie de trouver quelque chose, un mécanisme qui me convienne davantage, et j'ai cherché longtemps une idée pour y parvenir. À l'inverse, depuis que je me suis lancé un peu dans la création, c'est l'inverse. J'ai des idées et j'ai envie de les emmener au bout, et ça va beaucoup plus vite. Game Chef, c'est clairement, tu lis le thème, tu lis l'ingrédient, si t'as pas l'idée qui t'est venue, moi ça m'est venu dans les 15 secondes, si j'avais pas eu l'idée dans les 15 secondes, j'aurais fermé le sujet et je passais à autre chose, quoi. Ouais, donc complètement, je sais que j'ai fait le Game Chef l'année dernière, c'est pareil, au début j'avais dit que je ferais pas le Game Chef, j'ai pas le temps et tout, et quand j'ai vu les thèmes, tout de suite il y a une idée, ouais, il y a un jeu qui a commencé à sortir, et c'est comme ça que j'ai fait S'échapper des faubourgs, tandis que cette année, bon c'est pareil, j'avais pas le temps non plus, mais j'ai vu le thème, aucune idée, vraiment, je savais pas comment, du coup j'ai laissé tomber direct, quoi. Et donc ouais, là, l'étape, t'as une envie, mais tu cherches une idée qui pour satisfaire l'envie, ça peut prendre du temps, ça nécessite de se renseigner sur d'autres jeux qui existent, pour savoir s'il y en a qui ont exploré des pistes qui s'approchent un peu, ou qui ont fait ce que tu cherches, et dans ce cas, c'est pas la peine de te galérer à faire un jeu, parce que je fais pas un jeu pour faire un jeu, hein, je fais un jeu pour y jouer. Donc s'il y en a un qui l'a fait avant moi, c'est plus facile, hein. Mais quand t'as une idée, ça va beaucoup plus vite, quoi. Si l'idée te semble bonne, ben, après, faut avoir envie de la poser sur papier, de trimer pour trouver un mécanisme qui réponde à ton idée. Et c'est pour moi, c'est deux départs assez différents. Si je peux me permettre de commenter à ce que tu dis, je crois aussi que des fois, il faut pas forcément vouloir donner une chance à toutes ces idées. Moi, je sais que je note toutes les idées que j'ai, je les note. J'en garde toujours une trace. Mais je me rends compte souvent après coup qu'il y a certaines de mes idées, c'est pas qu'elles sont nulles, mais c'est juste que, moi, je peux avoir une idée. Par exemple, j'ai des idées de romans, bah, c'est bien gentil, mais si tu as 30 idées de romans, tu vas pas écrire 30 romans. De toute façon, il faudra faire un choix. Puis des fois, il y a des idées, il y a juste le pitch qui est intéressant. Mais tu te rends compte que écrire le bouquin en soi, ça va être ultra chiant. Et des fois, il vaut mieux. Faut pas se sentir esclave de ses idées. Et puis quelque part, il faut pas réaliser les rêves de la personne que t'étais dans le passé, quoi. Ouais, je vais renvoyer la question à Jérémy aussi, puisqu'il a créé sa propre édition avec ce format de 80 pages. C'est quoi le déclencheur de ce format, en fait? Est-ce que déjà tu es parti en ayant plusieurs projets qui collaient à ça, et tu t'es dit, bon, bah, y a un point commun, on peut peut-être essayer d'en faire une identité? Ou est-ce que tu es parti sur cette idée-là et maintenant tu essaies de brasser des gens pour venir y adhérer? J'étais pas tout seul quand on est parti sur ce principe-là. On va dire la collection, c'est In Vitro aux Écuries d'Ogias, on l'a mise en place à plusieurs. Après, moi, je la dirige, je m'occupe de gérer les projets et effectivement de choisir un petit peu. Le principe, c'était de coller un petit peu à la vision indies anglo-saxonne. C'est-à-dire que c'était vraiment d'avoir des jeux, ce qu'on peut trouver justement, ce qui sont des jeux à forte identité, des petits jeux, mais qui à la limite, on retrouve souvent, soit en PDF, souvent en format numérique, ou alors en impression à la demande, des petites choses comme ça. C'était d'avoir une approche qui soit un peu similaire, on va dire dans l'esprit, mais d'un point de vue en sortant les choses de façon entre guillemets professionnelle. C'est-à-dire que c'était pas de. Voilà, c'est d'avoir cette philosophie un peu indépendante sur le fond, et d'avoir une forme qui soit accessible pour la démocratiser, entre guillemets, ou pour la faire valoir. Le plus possible. Donc c'est des jeux qui sont pas très chers. Enfin, on va dire les plus gros font une quinzaine d'euros. Le but c'était voilà, d'avoir un jeu avec une idée forte à un prix abordable et de publier de façon on va dire professionnelle. Donc c'était vraiment l'idée quoi. Donc après effectivement le but, c'est venu aussi un peu du constat que ben il y avait effectivement pas mal de jeux qui étaient créés, de petits jeux qui étaient très intéressants, qui commercialement sont pas forcément des on va dire ne seront jamais des blockbusters ou autres parce que effectivement les idées sont très tranchées, c'est des concepts donc à la limite, on ne s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse à ceux qui sont un peu plus curieux de ça. Et on va dire, on a des viviers en France, ne serait-ce que le concours des Démiurges en Herbe, par exemple, qui en est plein. Typiquement, j'aime quand je regarde pas mal dedans. Donc, il y a le concours où moi j'avais participé, donc la quatrième édition. On a publié le gagnant dans cette collection-là, donc qui est Billet Rouge. Le but, voilà, c'était ça, c'était d'avoir des... Il y a des bonnes idées, souvent. Le but, c'est un peu d'ouvrir une porte professionnelle sur aux bonnes idées, quelque part. C'est un peu ça. Ok, merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si j'ai un peu digressé. Mais... Non, c'était... Je pense que tu as répondu à ma question. Donc, Thomas, si vous voyez quelque chose à... Ah. Oui, alors, Loïc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour clôturer la synthèse ? Non, bah non, je suis arrivé un peu après la guerre, là. Parce que du coup, on va peut-être finir avec Jérémy et moi. En fait, ouais. Il me reste pour clôturer. Je sais pas si on peut faire dans ce temps-là, ce serait top. Hein. Bon. Jérémy. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. On a pas mal débroussaillé le sujet, même avec Bastien, avec Laurie, avec toi. C'est toujours le côté effectivement la créativité c'est et du travail et du plaisir faut arriver à allier les deux de façon intelligente et savoir pourquoi on le fait, c'est-à-dire que à la limite il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des décisions, on va dire, ce qu'il faut c'est assumer les conséquences, c'est-à-dire quel que soit le choix qu'on fait, c'est sûr, il n'y aura pas forcément la même visibilité, mais tant qu'on sait pourquoi on le fait, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce qu'on fait finalement. Voilà, après, on va dire. rien n'est jamais aussi gravé dans le marbre. Hein. Un projet peut être amené à évoluer dans un sens comme dans l'autre. Hein. On l'a vu pas mal, hein, ce que disait Laurie, ne serait-ce qu'avec le fait de revenir sur les ambitions, ce qu'on a confirmé avec Bastien. De toute façon, faut savoir où on va. Et à la limite, si on ne sait pas, c'est pas trop grave non plus. C'est juste qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Ouais, c'est bien aussi d'être ouvert aux opportunités, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, être ouvert aux opportunités, savoir les voir et des fois savoir les créer aussi. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que voilà, j'en avais fait mon sujet d'étude pendant 2 ans. Si j'avais pas tenté de le faire, je l'aurais jamais fait, quoi. Donc je veux dire, ça aurait été 2 ans où j'aurais bossé sur un projet factice. Bah là, je sais que j'ai bossé dessus en ayant un objectif derrière qui était plus important, ce qui n'était pas forcément le cas de mes camarades de classe, par exemple. Donc, sur la réaction aux imprévus aussi, par exemple, tu as un projet de point, puis un éditeur va te voir en disant ce serait bien, est-ce que tu ne crois pas qu'on devrait un peu étoffer ça et tout. Donc, ça, c'est une opportunité qui peut être saisie. Et il y a aussi des imprévus. Là, j'ai une anecdote à ce sujet. C'est le compositeur de Aphex Twin, qui est un groupe d'électro là bien connu. Il vient de préparer. En fait, il avait plein de pistes en cours de travail. Et un jour, il s'est fait chourer dans l'avion, il s'est fait chourer son ordinateur portable avec une copie de justement pistes de travail. Et donc, du coup, comme il savait que ça allait être mis de téléchargement illégal assez rapidement, il a sorti son travail vraiment dans la foulée en un mois ou deux, quoi. Et ça a donné l'album Drugs, qui est, je pense, un de ses meilleurs albums en fait. Ah bah, donc là effectivement ça c'est de l'imprévu qui peut peut être des motivations aussi, hein, des fois, c'est-à-dire que effectivement ça peut nous aider à nous remuer un petit peu et puis à se dire effectivement, faut qu'on se dépêche parce qu'on a un projet sur lequel on bosse et puis là, on voit qu'il y a un autre éditeur qui va sortir quelque chose dans le même principe, par exemple. Je dis ça, c'est un exemple, hein, mais il peut y avoir des petites choses comme ça où on se dit mais finalement, j'ai eu mon idée, je bosse dessus depuis des lustres et puis là, je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui va en sortir une un peu similaire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la limite pour que mon idée soit ait sa propre personnalité, quoi, sa propre identité. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à retravailler sur un truc parce que quelqu'un a eu la même idée que toi en même temps que toi, c'est juste qu'il a sorti un petit peu avant. Du coup, il faut que tu t'adaptes à la limite. Tu peux très bien choisir de parvenir dessus. Mais bon, là, à la limite, tu prends le risque, effectivement, qu'on te dise soit que tu fais la même chose ou qu'il n'y a pas d'intérêt. Et même commercialement, ça sera plus difficile à défendre. Donc, du coup, tu peux être amené à retravailler sur le point pour te dire, il faut que je retrouve une identité un peu plus forte pour pouvoir le distinguer de l'autre. Et ça, ça arrive plus ou moins régulièrement. Hein. La guerre des boutons au cinéma, hein, qui était obligé de sortir les deux films en même temps, et je pense que c'est d'ailleurs hommageable aux deux films. Mais après, il y a des choses. C'est ça, disons qu'il faut, il faut savoir s'adapter, réagir, et finalement, pas non plus paniquer, parce qu'à la limite, c'est pas bon non plus. Mais prendre le temps de la réflexion un petit peu. C'est-à-dire. Comme la garde des boutons, le fait qu'ils ont voulu sortir les deux films pile au même moment, en fait, justement, parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure idée à faire. Je pense que, du coup, les films ont sans doute été bâclés. De toute façon, ça a fait une très mauvaise publicité. Alors que Coco enchaînait un autre film sur Chalet, et ils sont sortis à 6 mois d'écart, et là, du coup, ça s'est très bien passé. Quoi. Alors que c'était le même sujet aussi, quoi. Ah, j'ai pas entendu le deuxième. Le deuxième, c'est il y avait Coco avant Chanel, et puis un autre film sur Chanel, je sais plus c'est lequel. En fait, ils ont sorti les films à 6 mois d'écart, et du coup, il n'y a pas eu de feu croisé. Ça s'est passé pour le film, quoi. C'est ça. J'ai pas vu pour Chanel, mais du coup, peut-être qu'il y avait une approche un peu différente dans les films ou autre. C'est vrai que la guerre des boutons, c'est difficile de traiter le sujet de X manières. Le souci qu'il aurait pu avoir en sortant un et puis celui d'après six mois ensuite, c'est que celui d'après, soit on va le voir pour comparer avec le premier, soit on va pas le voir parce qu'on a vu le premier et qu'on se dit bah quel intérêt. Donc c'est commercialement c'est aussi difficile quoi. Et du coup est-ce que alors pas le meilleur, mais peut-être le moins pire, c'est peut-être de sortir les deux en même temps. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jérémy? Je pense que je suis arrivé au bout. Ok, bon, bah, moi, pour conclure, je vais faire. En fait, ce que j'ai prévu en concept, ça va passer en synthèse. Je vais t'amuser à lister les différentes formes de procrastination. Oui. La première, c'est bête à dire, mais c'est les loisirs. Il y a un moment, en fait, si tu sens que tu as vraiment envie de devenir plus créatif, enfin, il faut savoir tailler dans le vif. Et moi, par exemple, j'ai commencé à vraiment pouvoir avoir le temps d'écrire quand j'ai arrêté les jeux vidéo, quoi. C'était difficile au départ, mais c'est une décision dont je me fais aujourd'hui, quoi. Il faut savoir voir dans son emploi du temps et s'il doit être sacrifié pour pouvoir bosser, quoi. Mais inversement, de procrastination, ça, je vais citer Rubin, qui dit « Le travail est la pire des formes de procrastination. » C'est un temps. Ça veut dire des fois que à trop vouloir lisser un projet, on va complètement oublier les autres. Ou alors, par exemple, si on est créatif en dehors de son salaire, si tu passes trop de temps à travail professionnel, peut-être que tu pourras jamais être créatif, faire autre chose que faire du travail de commande parce que t'es salarié, quoi. Donc, mais bon, même c'est tout. Hein. Par exemple, tu peux dire ah bah ouais, mais répondre au courrier des lecteurs, c'est du boulot me documenter, c'est du boulot créatif, donc je dois le faire. Et puis finalement, tu arrives à la fin de l'année, puis t'as passé l'année à faire de la biblio, et puis à poser sur les forums, et t'as pas du tout avancé sur tes projets, quoi. Moi, je sais que bah pareil, pour avancer, il y a un moment, j'ai dû mettre un gros là sur les forums, quoi. Même si c'est vrai que c'est très motivateur les forums, mais finalement. Il y a des fois où on reste juste à l'étape où on cherche la motivation, on est juste à farmer la motivation et puis après on ne produit rien. Oui, c'est ça, oui, j'ai déjà observé aussi, je suis assez loin des forums entre guillemets aussi, parce que au bout d'un moment, quand tu regardes ce que tu produis sur les forums pour défendre un truc, pour discuter, c'est autant de choses que tu ne produis pas pour le projet. Après, je suis un peu différent sur les jeux vidéo, mais... Oh non, mais après, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, je sais que les loisirs, j'ai pas tout sacrifié non plus, j'ai conservé les loisirs en commun, quoi. Les loisirs avec des amis. J'ai plus aucun loisir tout seul. D'accord. À part, l'écriture, quoi. Sinon, il y a des... Ce que je vais séparer des pratiques addictives, en fait, pareil, qui nous bouffent du temps. Moi, par exemple, c'est Internet, quoi. Clairement, j'ai une utilisation d'Internet qui est addictive. J'en parle longuement hein, sur mon blog, et c'est quelque chose contre laquelle je lutte pour pouvoir avoir plus de temps pour créer. Mais après, ça peut être plein d'autres trucs. Hein. Ça peut être les sorties ciné, ça peut être la bouffe. Enfin bon, il y a des pratiques des fois qu'on fait de façon compulsive parce que justement, c'est plus facile, par exemple, de passer une heure à glander sur Internet que de mettre sa page blanche, quoi. Et souvent derrière une peur qui se cache, quoi. Donc c'est notamment la peur de l'échec. L'échec, c'est un gros vecteur de procrastination. C'est-à-dire qu'on fait un premier essai, ça marche pas. Du coup, on laisse tout tomber. Et il y a un proverbe de Samuel Beckett qui dit « Essaye encore, essaye mieux, échoue mieux. » En fait, il faut jamais oublier que l'échec, c'est pas une défaite. Enfin, on peut faire des erreurs, forcément, il faut en faire, quoi. Et il faut voir à la limite ce que ça permet d'apprendre, qu'est-ce qui surgit de nouveau. Et puis, il faut vraiment accepter les erreurs comme étant vraiment une étape du parcours, quoi. Les erreurs, ça, c'est aussi de ce qui fait que le chemin est important, quoi. Un autre facteur de procrastination... T'avais une question? Oui, non, c'était pas une question. Oui, c'est un peu comme on dit, des fois, de toute façon, il y a que ceux qui font rien qui n'échouent pas. Donc, à la limite... Ah, exactement, oui. Voilà. Sinon, il y a ce qu'on appelle le complexe d'Icare. C'est C'est une théorie qui est développée par Seth Godin, qui est un créatif et un écrivain, qui dit qu'en fait, on nous a enseigné que Icare, en voulant voler trop près du soleil, il s'est brûlé les ailes. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'ils ne sont pas légitimes. Enfin, on peut être persuadé qu'on n'est pas légitime pour créer. Ne serait-ce que, par exemple, si t'es romancier, il suffit de voir la tonne de romans super bien écrits qu'il y a dans les librairies pour se dire, bah, de toute façon, voilà, moi, je ne suis pas destiné à faire ça. Si je vole trop là, je vais me brûler les ailes. Et en fait, ce que Seth Godin ajoute, c'est qu'on peut savoir que si on est trop près de l'eau, on risque de couler, quoi. Et que... bah voilà, on peut, tout le monde peut essayer de créer, c'est pas un problème, quoi. Pour apprendre à dessiner, il suffit de dessiner un dessin par jour, quoi. J'ai vu certaines personnes le faire, y arriver, hein, ça marche. Et de toute façon, surtout, il faut jamais attendre la permission de qui que ce soit pour créer, quoi. Faut pas, on est tous légitimes pour être créatifs, quoi. Il faut pas se laisser intimider par des œuvres parfaites qui existent, en se disant que nous on n'arrivera jamais à la cheville de ces œuvres. En fait, il n'y a aucune obligation déjà de qualité. Après tout, si ton trip c'est dessiner des bonhommes bâtons, mais vas-y, fais-le, quoi. Hein. C'est pas grave si ça plaît qu'à toi. Il faut, si on a quelque chose à exprimer, il faut le faire. Et je pense que justement, le monde n'attend que ça. Que chacun puisse s'exprimer, quoi. Ouais. Il y a le fameux manque d'idées, hein, le syndrome de la page blanche, souvent qui est source de procrastination. Bon, souvent c'est lié au fait justement qu'on s'impose des formats en se disant je vais écrire un roman, il doit faire 300 pages. Ça trouve une nouvelle de 10 pages, c'est déjà bien, quoi. Et aussi des fois on dit qu'on n'a pas d'idée. Le gros palliatif, je trouve, c'est la curiosité, justement, essayer d'être ouvert, observer davantage le monde. Et puis en fait souvent on a plein d'idées mais on les oublie. Et moi je sais que depuis que j'ai commencé à noter mes idées, mon disque dur s'est rempli de pages et de pages de notes qui me sont vraiment utiles après au jour le jour, quoi. Par exemple pour mes jeux comme Florenza, tu vois Bastien qui notait tout sur une carte mentale, ça c'est vraiment un bon processus, quoi. Je peux qu'approuver, enfin chaque mois j'ai tendance à toujours me balader avec un, deux, voire plusieurs carnets pour noter justement mes idées. Je note pas forcément les mêmes choses dans les différents carnets, mais du coup effectivement j'ai toujours une sacoche avec de quoi écrire, de quoi prendre des notes. Parce que on n'est jamais à l'abri des bonnes idées, quoi. Ouais, c'est précieux. Une dernière chose souvent qui nous bride, c'est ah oui, mais j'ai pas le matériel pour faire mon projet, et le matériel en l'occurrence il coûte cher. Du coup, tant pis, je peux acheter le matériel, donc je peux pas bosser. Pour moi, c'est la pire des excuses, dans le sens où on peut, par exemple, je dis n'importe quoi, tu dis je suis cinéaste. Ouais, mais une caméra, ça coûte hyper cher, les acteurs, ça coûte cher et tout, donc vaut mieux que j'abandonne tout de suite. Sauf qu'en réalité, tu filmes 10 minutes avec un téléphone portable et ton meilleur ami, c'est déjà du cinéma. Ouais. Donc le matériel doit jeter une excuse. Et si effectivement tu fais ton film de 10 minutes avec un téléphone portable et puis tu kiffes, là tu trouveras la motivation pour acheter peut-être un petit caméscope et faire un truc un peu plus ambitieux. Et puis par ricochet, ça se trouve qui sait. Spielberg, il a démarré à 8 ans en tournant des films avec une caméra Super 8 que son père lui avait offert. Hein. C'est comme ça qu'il a démarré. Hein. Il n'a pas démarré avec un studio de 300 personnes, quoi. Ah oui, non, mais tout à fait. Hein. De toute façon, je dirais le principe, c'est... quelque part, ceux qui n'ont pas les moyens, c'est quelque part, c'est qu'ils ne se les donnent pas. Enfin, qui disent ouais. Ne pas les avoir, c'est qu'ils ne se les donnent pas. Il y a un proverbe, un extrait du Tao Te Ching, hein, de Lao Tzu, qui dit « Un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. » En fait, la clé pour passer à l'étape supérieure, pour moi, c'est juste de faire un pas. Ouais. C'est juste lasser ses souliers, quoi. Et il faut se fixer les plus petites étapes possibles. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut avancer, en fait. Et concentrer aussi sur chaque étape, moi je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la pleine conscience, c'est toujours être concentré sur ce qu'on fait, sur le moment en cours, sur ce qu'on est en train de faire ici et maintenant. Je pense que la différence entre un visionnaire et un prédicteur, c'est que les visionnaires, ils réalisent leur rêve en ce moment, et les prédicteurs, ils font des ulcères. Ça sert à rien de tout planifier si derrière c'est juste une arme qu'on se met en tempe pour pas avancer, disant que en fait on prévu est irréalisable parce que c'est trop ambitieux. Oui, bah disons que quelque part le prédicteur, lui, il regarde ce qui s'est fait pour faire des hypothèses sur ce qui se fera. Le visionnaire, lui, il fait les trucs qui se feront de base. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'attend pas qu'il s'en fout de ce qui a déjà été fait ou autre. Il fait et c'est ça qui marche. C'est un peu comme ça que je le vois. Ouais, bah tout à fait. Puis bon, je pense que c'est une question de. Sans doute que pour passer à l'étape supérieure, il faut se demander si vraiment, enfin, est-ce qu'on a ça dans les tripes, quoi. Et si la réponse est de toute façon, le reste va forcément suivre. Faut juste se poser la question. Faut pas peur de se poser cette question-là. Vraiment, j'ai ça dans le sang. Est-ce qu'il faut que je fasse ce truc? Voilà. Si votre cœur vous répond, faut y aller, quoi. Tu me permets d'intervenir? Oui, Laurie, bah, je pense que tu vas peut-être même pouvoir conclure. Super. Moi, c'était pas l'envie de passer à l'étape supérieure où je me dis j'ai les tripes, je vais y aller. C'était l'étape où je suis là, elle me convient plus. J'ai pas envie de stagner. Et j'étais pas sûr que j'avais les tripes d'aller au-dessus, mais j'avais pas envie de rester là où j'en étais, ça c'était sûr. Ouais, je vois, et c'est intéressant aussi comme façon de voir, ouais. C'est une question de motivation, hein, c'est tout. Hein. C'est ça. C'est, je veux dire, après, et de jeter en avant et puis, si à un moment t'arrêtes d'apprendre, c'est ça qui m'empêche de passer à quelque chose de plus ardu, plus ambitieux, quoi. Pour continuer à apprendre, continuer à avoir du fun, quoi. Ouais, voilà. C'était, j'avais envie de, enfin, je sentais qu'intellectuellement, je stagnais, voire je régressais, hein, à cause de mon activité professionnelle et de la procrastination, hein. Candy Crush, ça commence à me gonfler. Et je préférais passer une heure sur un truc. Je savais pas si j'irais au bout, mais au moins j'avais l'impression de faire un truc un tout petit peu plus évolué, quoi. Ok, alors là on va s'arrêter là. Comment j'aurais un briefing en privé, je vais pas le faire parce que j'ai le temps. Je tenais vraiment à vous remercier, Bastien, Jérémy et Laurie, hein, pour votre participation, pour toutes les choses que vous avez. Alors, comme d'habitude, je pense qu'on a fait que donner des pistes, hein, il y aurait matière encore à débat, mais je pense qu'on a déjà bien défriché. Est-ce que vous avez juste un dernier mot pour la fin, peut-être? Non. Allez-y, passez à la vitesse supérieure. Ouais, voilà, demandez pas la permission, ouais. Laurie. Non, c'est très bien comme conclusion. Ok. Ben, merci à vous, merci aux auditeurs, à la prochaine, hein, pour un prochain podcast Outsider. Et puis voilà, au revoir tout le monde. Merci à toi. Au revoir. Salut tout le monde.